La plage, les cocotiers, les boissons fraîches et les bons copains. On n'est pas bien là? Aujourd'hui, dans l'intérieur nuit, on s'expatrie à Saint-Trope et on y va en board. Et en plus, c'est cool parce que j'ai la carte jaune, du coup ça coûte un peu moins cher. En plus, on est en période estivale, donc les réductions sont plutôt correctes. Moteur! Moteur! C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. Faut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Hey! Bonsoir, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir! Bienvenue dans le dernier épisode d'Intérieur Nuit, le nouvel épisode. De la vie. De la vie. Le dernier. En général. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. En ce début moi, de vacances. Moi ça va. Et toi ça va. Bah moi ça va. Ça toi va. Et toi. Et toi, moi, ça va. Ça va. Et toi. Et toi, oui. Ça va. Moi ça va, oui. Et moi ça va. Mais toi t'as pas demandé du coup. Ah ok. Ok. Et toi Théophile ça va. Oui. On dit pas les prénoms. Bah si. Ok. bon, j'autorise. Pour cet épisode c'est exception à la règle. Le droit au son. Je tolère. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est quatre, comme d'habitude. Hein, oui. Mais c'est pas n'importe qui. On a réuni, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la Dream Team. La Dream Team 4. Celle qui a fait le plus d'écoutes, car ce qui nous intéresse, c'est les chiffres. Ce n'est pas du tout la qualité, c'est vraiment le nombre d'écoutes. Attends, par exemple, dis-moi un truc, un chiffre. 7. Ah, ça m'intéresse de ouf. Dis-moi un truc d'une qualité, par exemple. Intéressant. Ouais, je m'en fous. Hein. Ouais, on est d'accord. On va faire les présentations quand même pour les nouveaux et même les anciens qui veulent un petit rafraîchissement de mémoire comme les boissons fraîches. Un rafraîchissement de mémoire. Allez. Elle a été élevée en plein air et nourrie au grain. Elle a la même coupe que Zidane avec les cheveux en plus. On applaudit bien fort Mathilde. Bravo. Wow, bravo. Je sais pas que c'était moi, je suis un peu outré. C'est 4. Bah c'est 4 applaudissements. 4. Ah oui, d'accord. Comme faut être précis. Chiffre. Mais oh, tu me coupes pas. Inventeuse du terme croque-love, puis tombée dans l'oubli, elle revient en force avec la création du fan club français des Backstreet Boys. Accueillons chaleureusement Agathe. Bonsoir. Dont le micro bande mou. Comme son il mec. Tombe. Il tombe son micro. Ah là là. Ah là là. Je vais y arriver. Non. Elle y est pas arrivée. Ah, il n'y a pas eu de coupure du tout. Pour les auditeurs qui ne. Voilà. Il s'avérait que le micro d'Agathe tombait en fait. Il bandait oui. Mou. Et voilà. Et du coup, ça a coupé. Il y a Louis. Louis qui est venu tout rafistoler. Oui, merci. D'ailleurs, on peut en profiter pour remercier Louis. Mais j'allais le faire. Merci voilà. Louis. Merci Louis. Bah voilà. Bah vous l'avez. Non, mais vas-y, dis ta phrase. Tu l'as choisi. Il est sublime, incroyable, fantastique. Et il est très modeste. C'est Louis. Merci. Oh. Mais voilà, vous avez raté. Je suis content et je pleure en même temps. C'est des larmes de joie. Ou de tristesse. Voilà, donc Agathe, elle est de joyeuse. Retour. Et son micro bande correctement désormais. Parle bien dans le micro. Un oui, peu bon, vers ça le va. Bas. Bodybuilder, herboriste et directeur de chantier, il cumule les emplois pour subvenir à ses besoins. Car le podcast, c'est comme le crime, ça ne paye pas. On applaudit Théophile. Et oui, je suis un slasher, ce qu'on appelle un slasher. Oui. Car j'ai plusieurs emplois. Comme on l'a dit dans le dernier épisode. Par contre, bodybuilder, petit truc, c'était il y a 5 ans. Maintenant, je sais plus du tout. Maintenant, Il a tout perdu. J'ai tout perdu, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que ça se voit pas pour ceux qui me connaissent, mais j'étais bodybuilder. Il a des beaux restes, hein, moi je vous le dis. Bon. Quant à moi, je m'appelle Antonin et je serai votre hôte pour ce podcast qui sera consacré à quoi ? Consacré aux cocotiers, à l'été. À l'été. Film d'été, ça n'existe pas ? Au Coca-Cola. Bah si, ça existe. Film d'été ? Si, c'est des films. Voilà. Ouais, bon, peut-être ça existe, mais c'est pas notre. Déjà, est-ce que quelqu'un peut expliquer le principe de l'émission pour les nouveaux, s'il vous plaît ? Qui est-ce qu'il avait fait la dernière fois ? Moi, j'ai la flemme. Agathe, fais-le. Waouh. Alors, l'émission, du coup, pour les nouveaux. Et les anciens qui ont des trous de mémoire. J'essaie de régler mon micro, ça va. Ouais, alors, du coup, en fait, on va parler du coup d'un thème de film. Donc, on va parler au début, on va discuter. Voilà. Ah, du coup, il y a la fraîche. voilà, à la fraîche, sangria, tout ça. Et ensuite, on va faire un petit jeu, vous allez voir, c'est très drôle. Et ensuite, on va essayer de créer, écrire avec notre bouche, un film qui, du coup, parlera d'un film sur une bande de potes. Une comédie finalement. Voilà. Une comédie, il se passe comédie l'été. Bande de potes. Et le comédie thème, bande de potes. Le thème, du coup, oui, c'est ça. C'est voilà, le film c'est ça. De bande de potes. Et on va le placer en été parce qu'on est au début de l'été. Et on va être très cliché. Et vu que c'est le dernier épisode avant la trêve estivale, et ben on va. Voilà, on va vous vendre du rêve. On vous dira à la fin de l'épisode quand est-ce qu'on reviendra pour et plus de précisions. Mais voilà, on va pas. Oui, oui, oui. On expliquera on va pas ça se presser, on va d'abord, à la fin de, du podcast. On va d'abord s'amuser et ensuite on va s'amuser un peu moins. Oui. Donc, on va un peu aller plus vite sur, les, sur le, la partie où on parle des films parce qu'il n'y en a pas énormément. Ouais. C'est pas hyper intéressant. En fait, c'est un mélange de plein de films. Voilà, c'est un mélange de plein de genres et tout. Donc, l'idée, c'est de, qu'on va écrire un film un peu comme. Tu l'as, Antonin ? Non, je ne l'ai pas. Les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs. Ouais. Nos jours heureux. Nos jours heureux, par exemple. Voilà, Squad. Des comédies d'été qui sentent bon le monoeil et le bronzage, la vitamine la crème D. De, la crème solaire. Oui. Et pour tous mes compatriotes à la peau qui bronzent. Et, tout le monde. Ouais, tout le monde. Et voilà, bon, on va commencer par Mathilde, qui oui. est en diagonale de moi, ce qui n'a aucun sens de le préciser. Par exemple, quel genre de film, à quoi t'as pensé quand on te l'a dit? Eh bien moi, ayant été prévenu hier, j'ai regardé aujourd'hui Nos Jours Heureux, qui très, est donc très bon film. Un très très bon film, oui. On peut le préciser, qui se passe en été avec des potes. Donc ça rentre vraiment dans le thème et je l'ai regardé. Il dure une heure et demie, regardez-le tous. c'est un ordre, c'est pas la durée. La durée est un argument, visiblement. C'est pas une comédie romantique de 2h30, donc on peut se le permettre. Oui, c'est vrai. Et oui, en fait, c'est un film centré sur beaucoup de personnages différents. C'est, on voit tous les animateurs qui partent en colonie de vacances. Et c'est pas vraiment des potes en réalité, c'est des gens qui. Mais malheureusement, ils en ont fait, des yo-yo, donc ils ne baissent pas beaucoup. Et pourtant, si, ils baisent. Et pourtant. Et bah, c'est une colonie de vacances avec des animateurs, des enfants qui pleurent, qui se draguent, qui baisent, qui les vont enfants à la plage, entre eux et les adultes entre eux, attention. Eh bien, bravo. Il y a beaucoup de plot twists, des gros clichés, il y a des petits molles, des petits gros, des personnes de toutes les couleurs, tout ça. Enfin, ouais. C'est très cliché, moi j'ai beaucoup aimé. Toutes les couleurs et toutes les formes. Oui. Et oui, car il n'y a pas que la couleur qui compte. Moi j'aimerais faire un film avec aussi, des potes aussi de partout. Forme. Et l'odeur. Oui. Et l'odeur. Agathe. Oui. Oui. Alors du coup, moi quand j'ai entendu la bande de potes, j'ai tout de suite pensé au film Nos 18 ans. Je sais pas si vous connaissez. C'est une bande de potes justement qui... C'est un film qui date des années... Je sais pas, 80 peut-être, 90. Et en gros, c'est une bande de potes qui viennent de passer leur bac et du coup, ils sont en mode... Enfin, ils sont en mode révision parce qu'à l'époque, ça se passait pas comme nous le bac. Enfin bref, on s'en fout. Ah ouais, ça se passait comment? Bah, il y avait plusieurs sessions. De ouais, c'était enfin tu validais une première session, ensuite fallait valider l'autre, enfin bref. Et du coup, il y en a un surtout le protagoniste qui est du coup avec toute sa bande de potes et tout, donc leur objectif c'est d'avoir le bac et en plus de s'amuser. Et ça se passe en été du coup et c'est super sympa, voilà, et c'est français. OK, bah super. Oui. Okay. Moi toi, c'est Antonin, hein, si tu as oublié. À toi ? OK, moi je vais parler comme Agathe d'un seul film. Qui s'appelle Infecté. Moi aussi, j'ai parlé d'un film. Qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est un peu un film... De... Oui, bon, ça va, Mathilde, calme-toi. Hein. Qui est un peu un film, pareil, de bande de potes, centré sur l'été. Même si, d'apparence, avec l'affiche comme ça, si vous tapez Infecté sur Google ou quoi... Ça n'a pas l'air bien de premier abord. Mais ça n'a pas l'air bien. Non, mais vraiment, ah ouais, je sais pas. Je l'ai vu l'affiche, je me suis dit, oh, c'est un film de zombies de merde. Et en fait, c'est un film avec des zombies. Mais c'est un peu comme le film avec Schwarzenegger qui perd sa fille qui devient peu à peu zombie. Je n'ai plus le titre. Maggie, voilà, c'est ça. Voilà, c'est Maggie. Qui est un film. Bon, je sais pas, je vais pas m'exprimer dessus, mais c'est pas le sujet. Et ben en fait, Infecté, c'est un truc avec des zombies et c'est une bande de potes qui essayent d'aller à la plage où ils allaient quand ils étaient plus jeunes, enfin quand ils sortaient en vacances avec leurs potes en été. Et ils essayent d'y aller pour s'isoler. Ok. Et pour ne pas être en contact avec les zombies, etc. Évidemment, il y a des trucs de zombies sur le chemin, mais c'est avant tout un road trip entre potes et avec des escales et tout. Voilà, c'est un peu dans la veine de... C'est un mélange entre The Walking Dead et le dernier homme sur Terre, The Last Man on Earth. Oh, je sais pas si vous connaissez cette série. Ouais, c'est le dernier homme sur Terre. C'est ouais. Bilingue. Ouais. Ouais, je suis. Oui, bah je l'ai traduit en fait juste avant, donc il a pas eu beaucoup de travail, mais. Ouais, ouais, bon après. Bon, voilà. Calmez-vous. Et voilà, moi en tout cas c'est un film qui m'a ému un peu. Alors j'ai peut-être un souvenir un peu biaisé, et c'est peut-être plus zombie que ce que je m'en souviens, mais en tout cas moi pour moi dans mes souvenirs ça ressemble assez au film de pote de. Ok. Voilà. Donc c'est avec une comédie. Infecté. C'est pas une comédie du tout, mais c'est un film c'est un plus émouvant. C'est en fait c'est comme si c'était la fin des petits mouchoirs tout le temps. Mais non, mais tu vois, du coup, c'est pas du tout une comédie. Ouais. Quoi. Parce qu'à la fin, des petits mouchoirs, on va spoiler. Comédie dramatique, quoi. On va spoiler les petits mouchoirs, mais. Bah, je connais la fin. Non. Ah, ok. Non, on va pas spoiler. On va pas spoiler les petits mouchoirs. Non, non. Non, mais du coup, à la fin, c'est triste. Oui, c'est triste. Et au milieu, c'est moins triste. Mais du coup, c'est un peu un mélange entre les deux, avec des zombies. Et bah, super. C'est cool. Et toi, Théophile ? Et bah, moi, comme personne n'a parlé des petits mouchoirs, je vais le faire. Bah, vas-y. Super. Bah, les petits mouchoirs, comédie, bande de potes, tournée avec une vraie bande de potes. La bande de potes de Guillaume Canet. Alors, certes, c'est un peu des bourgeois, voilà, qui n'ont pas la même vie que nous. Un peu. Qui n'ont clairement pas la même vie que nous, mais c'est marrant, c'est. Il y a de l'humour, il y a un peu de l'émotion dans ce film, quoi. C'est un bon petit film bien sympathique. Ouais. Et puis, mais moi, en fait, le truc, c'est que quand tu m'as parlé de films de bande de potes d'été, enfin, surtout films d'été, moi, j'ai pensé surtout aux Bronzés. Oui, bah, on est. Les Bronzés. J'y ai pensé aussi. Ouais, les Bronzés et Camping. Bah, oui, les deux. Ouais. Mais moi, j'aime bien les Bronzés. Alors, Camping, j'aime moins. Mais ça va, genre, je peux regarder Camping, genre. Bah moi je pourrais le regarder parce que je l'ai jamais vu en fait. Ah ouais? Par curiosité. Bah, y a un je moment, crois que j'ai vu le 2 un mais moment, un des extraits. Il y a Franck Dubosc qui dit à quelqu'un: hey, fais gaffe, tu marches sur tes tongs. Et c'est hyper drôle. En vrai, c'est marrant. Bah, pas trop. Mais... Bah, quand je le raconte, non, mais quand c'est dans le film, ouais. Non, mais oui, après, c'est un peu l'image de la comédie beauf, mais en soi, c'est surtout à cause de son. De l'image qu'ont les gens de Patrick Dubosc. Patrick Franck, il joue avec Patrick Chirac. Patrick Chirac, qui d'ailleurs qu'on n'attend pas vraiment. Bah parce alors. Qu'on n'attend pas Patrick. Bah alors. Mais voilà. Mais Sarah, pourquoi tu. Mathilde, elle est dépitée. Pourquoi tu souffles? Je suis dépassée par ton humour. Je vais trop vite. Oui. Tu veux que je ralentisse? Oui. Ok. mais voilà. Non, mais oui, Camping et les Bronzés. Très... Bref. Les campings, oui, j'ai compris. les campings et compagnie avec les Bronzés, c'est dans cette veine-là. Les Bronzés, c'est vraiment un classique quoi, de la comédie française. En général, limite. Enfin, Les Bronzés, c'est même carrément. C'est pas un film avec un. Il y avait quelqu'un qui faisait cette analyse-là. C'est normalement, si tu regardes le scénario des Bronzés et le principe, ça devrait jamais marcher. C'est nul, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, c'est un film à sketch limite. Et en fait, ça marche parce qu'il y a des personnages et tu t'attaches aux personnages. C'est un film à personnages quoi. Enfin, c'est, voilà. ça, c'est tous les trucs. Ouais, bah c'est comme les petits mouchoirs. Les comédies de bande de potes, ouais, c'est ça. Les petits mouchoirs, c'est que des personnages. Ce qui est important, c'est les personnages dans ce genre de film, c'est pas vraiment ce qui leur arrive. Et c'est comment. Parce que t'as plein de petites histoires qui s'entremêlent et tout. Bah là, on rentre dans les clichés en fait. Ouais, voilà. Complètement. Mmh. Bah, instant cliché. Ah bah non, il y a le jeu d'abord. Non, mais on peut faire l'instant cliché, après on fait le jeu. Ok. Bah. On fait juste ce cliché alors. Ouais. T'as toujours des histoires qui s'entremêlent. Dans Les Petits Mouchoirs, c'est complètement ça. C'est t'as l'histoire du gars Laurent Lafitte avec sa meuf. T'as l'histoire de Gilles Lelouch avec sa meuf. T'as l'histoire. Bon, souvent des histoires de cul, certes. Bah, dans ce film-là, oui. Mais... Ouais, parce que les bourgeois, voilà, ils aiment bien le cul. Bah, ils ont que ça comme problème en vrai. C'est ça. C'est le seul problème, bah c'est non, je baisse pas avec la personne que je veux, bah ça va, il y a pire quoi. Du coup, bah, j'ai vu le 2, moi je suis allé voir au cinéma, Nous finirons ensemble. Et la suite elle dure aussi longtemps que le premier. Le premier dure 2h34 pour une comédie, c'est très long. Moi je trouve ça va, mais. Oui, mais toi, je t'ai déjà dit que ton avis importait peu. Donc, Oui, certes. Mais non, elle est moins longue, je crois, le 2 est moins long. Bref, et ils ont d'autres problèmes que des histoires de cul parce qu'ils vieillissent. Ah du oui, coup, c'est plus intéressant. Voilà. C'est un peu un mélange entre les petits mouchoirs j'ai une question, et rock'n'roll. Parce que j'ai pas vu Les Petits Mouchoirs, donc j'ai pas vu non plus Nous finir ensemble. Oui. Les Petits Mouchoirs, ils ont pas de construit de famille. Si, il y en a certains. Mais ils ont quel âge? Il y en a deux ou trois qui ont une famille en dehors, mais c'est un groupe de potes. Il y en a deux. Oui, je me rappelle plus trop. Mais... T'as deux couples qui ont des enfants. D'accord, ok. Mais ils sont pas tous hyper, enfin ils sont pas jeunes en fait, ils ont quoi, ils ont c'est trentenaire. Ouais, c'est 35-40 ans même. Et dans le deuxième c'est des cinquantenaires. Ouais, c'est ça. Bah, François Cluzet, c'est. Enfin, ça dépend vieux, parce que par exemple, tu vois, François Cluzet, il est plus vieux, c'est le plus vieux, je pense. Et il le dit même. Et Laurent Lafitte, c'est le plus jeune. Ouais, Laurent Lafitte, il a déjà 40 ans. Laurent Lafitte, il a 45 ans, je crois. Maintenant, mais à l'époque des petits mouchoirs, c'était en 2011, il avait. 35. Ouais, voilà, il devait avoir 35, quoi. Et les autres, ils avaient plus 39, 40. Mais bref, de toute façon, ça, c'est pas du tout intéressant. Oui, mais si, c'est parce que c'est des problématiques. Non, l'âge, non, mais c'est ça. L'âge influe beaucoup sur leur problématique. Tu vois, par exemple, dans Infecté ou dans des films avec des bandes d'ados, c'est pas du tout le même problématique. C'est clair. Bah, d'ailleurs, j'avais pensé à Adventureland, qui est un film avec Jesse Eisenberg. En vrai, dans Twilight. Non, c'est Zombieland, tu veux dire ça. Non, Adventureland. Ah oui, ok, d'accord. Et la meuf qui joue dans Twilight, là. Ah oui, Kristen Stewart. Kristen Stewart. Et ils sont tous c'est les deux. Dommage et en gros, c'est qu'elle soit cataloguée comme ça, oui, alors qu'elle joue autre chose. Ouais, non, mais ouais, désolé. J'aurais pu dire la meuf qui joue dans Zathura, mais personne connaît Zathura. Si, j'adore ce film. Sérieux? Oui, j'aime trop. Trop bien. Mais elle joue dans Zathura. Dans American Ultra aussi. J'ai pas vu. Ah bah oui, personne l'a vu. Si, je connais ce film. Mais il est bien. Et du coup, voilà. Et c'est vraiment genre. Pour le coup, c'est pas ado, c'est pas adulte. C'est vraiment jeunes adultes, genre à la période entre ado-adulte. Et ça parle encore que de cul, mais. Ouais, bah mais oui. C'est pas un mec avec des super-héros pas du tout. C'est quoi alors? Non, ça c'est Justice League. c'est nul à chier. C'est en Spider-Man, aucun rapport. Le 2. Non, mais y a pas un mec qui. Bon, c'est pas grave. Chronicle. C'est pas grave. Chronicle. Il y a pas Jesse Eisenberg dans Chronicle. Non, mais il y a des super pouvoirs. J'essaie de lier les éléments. Ah, ok, d'accord. Ah putain, mais j'avais oublié Chronicle. Mais oui, bah en vrai, c'est un film de potes, mais. Ouais, Projet X, c'est tout full un film Baby de potes. Ouais, Baby mais c'est pas, ça se passe pas sur un été, tu vois. Genre, ah si, ça se passe. Non, ça se passe pas sur un été. C'est un truc d'été, quoi. T'as la piscine et tout. Bah c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. J'étais pas du tout en train de rigoler. Bref. Very Bad Trip. Ouais. Ah oui, oui, oui. À partir du 2, c'est plus des vrais potes. Le 1, c'est plus un setup très drôle. Enfin, par rapport à. Bah, le 1, ils sont forcés, quoi. Donc, ouais, et c'est... le 2, ils sont vraiment potes. Ouais. Et du coup, les clichés. Qu'est-ce que. J'ai eu un bug de cerveau. Ouais, c'est ça, t'as du cul, et c'est les personnages qui sont importants, quoi. Et les interactions, les relations entre les personnages, c'est ça qui importe, quoi, dans ce genre de film. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas au jeu Peut-être. Attends. Maybe. Ouais. Je fais la traduction. Oh. I don't know. Can you repeat the question? Je ne sais pas. Peux-tu répéter la question? Oui, c'était le générique de Malcolm. C'est pas la peine de. I don't know. Oui, bon, ça va. Can you repeat the question? On vous offre 5 secondes de rien. J'espère que ça vous a plu. C'était pas 5 secondes. Ça faisait 3 secondes. Ouais, mais c'est parce que 5 secondes, c'est très long. Ils auraient quitté, je pense. Vous auriez quitté. On commence avec donc c'est le jeu des commentaires hein. Voilà, on va pas se mentir hein. On n'avait pas le temps de faire autre chose. Oui. Ni l'envie. Est-ce qu'on peut répéter les consignes par les consignes. Bah c'est le jeu des commentaires. On a des commentaires Allociné que je vais vous lire et dont vous ne connaissez pas film. Ne connaissez pas le film dont il parle. Je vais vous donner le contenu. Je vais vous éviter les spoilers évidemment. Et c'est gentil. Et vous donnez le nombre d'étoiles et vous allez devoir me dire de quel film il est tiré, sachant que généralement j'essaye de prendre majoritairement des mauvais avis sur les bons films et des bons avis sur les mauvais films. Enfin, c'est subjectif. Ouais, du si coup, j'aime oui. pas un film, je prends des bons avis. Bon voilà. Mais j'espère que t'as pris des très mauvais avis sur Camping du coup. Je l'espère. Bah ça veut dire que j'aurais aimé du coup. Bah oui. Ok, alors on va commencer avec un film. Voilà, un film. Premier film. Ouais. Un film qui ravira les bobos qui portent des pulls cachemire Zadig et Voltaire avec l'instruction M.I.C.K. dans le dos et qui n'ont jamais écouté un seul album des Stones de leur vie. Tout est dégoulinant de bons sentiments, tout l'inverse du rock. Les scénaristes et réalisateurs ont voulu en mettre plein la vue et les oreilles, et ce, pendant 2h20. Bah, les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs. C'est pas du tout les petits mouchoirs. Putain, mais 2h34. 2h34 minutes. Mais les bobos, bah, c'est 2h20. Mais c'est tellement ça. Les bobos dégoulinants de sentiments et tout. Ah. Non, alors un film qui ravira les bobos qui portent des pulls cachemire Zadig et Voltaire avec l'inscription Mick, M-I-C-K. Les bronzés M-I-C-K. Mick, mais qu'est-ce que c'est Mick? Mick. Mais c'est quoi Mick déjà? Bon, Jagger. Attends. Mick Jagger. Ah, les petits bobos qui portent des pulls Mick. Est-ce que tu veux que je te lise un deuxième commentaire? Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, ouais. On est tous perdus. Ok. Alors, pour résumer, thème excellent. Spoiler. Bande originale excellente, acteur excellent, scénario lamentable. On rencontre différents personnages. Quel culot ce commentaire. Dans une atmosphère loufoque et incohérente. L'humour est à faire pleurer. Adventure les caricatures. Non, c'est pas ça. Les caricatures d'aristocrates coincés drôles au début deviennent gonflantes. Et pire encore, on s'ennuie de la platitude des dialogues. Five. Non. Ah putain. L'histoire du personnage principal n'a aucun intérêt. Un adolescent découvrant enfin son père. Autant dire que c'est du recuit. Star Wars. En dehors du Mais attends, il dit en dehors du scénario, le film est excellent. 0,5 étoiles. Attends, un gars qui découvre qui est son père. Oui, c'est Star Wars. Bah oui, mais non. Mais alors, pour info, on a regardé une liste tout à l'heure. On a tapé film bande de potes. On est tombé sur une liste sans critique. Il y a un mec qui avait mis tous les Star Wars en tant que film de bande de potes. Il a mis aussi Les Seigneurs des Anneaux. Ouais. Et la communauté de l'anneau, c'est une petite bande de potes. Ils sont là, ils se font des petites soirées autour d'un petit ponche. On va sauver le monde et détruire l'anneau. Mais avant, on se prend une petite couite. Excusez-moi, je sors mon DJ. Attends, mais du coup, c'est pas Star Wars. Non, c'est pas Star Wars. Okay. Bah non. Alors, celui-là, il est... T'as un autre commentaire ou pas? Je vais vous donner un indice, c'est pas un film français. Ah. Ça m'a pas aidé du tout. Bah attends, non, mais... il cherche son père, du coup. En fait, c'est un film hongkongais des années... Non, c'est pas... non, il est très connu. Peut-être que vous le rangez pas dans la catégorie... film bande de potes, mais... Ah, du coup, t'as triché. Non, c'est vraiment vrai. Si on trouve pas, tu le dis quand même. Oui. Attends, mais du coup ça se passe l'été? Bah oui, a priori. Plus ou moins, oui. Ah ouais. Non, ah, plus ou moins. C'est pas forcément en été, mais c'est. C'est entre automne été. Ouais, c'est entre l'hiver et l'hiver de l'année prochaine. Cet été là. Non. C'est pas du tout le titre du film. Été. Le film s'appelle Été. Alors je vous lis un dernier commentaire. C'est le dernier que j'ai. Personnage loufoque, musique du tonnerre, excellente ambiance pourvue de jeux, de filles, de rock et d'apprentissage. Mort de rire sur le coup de l'échange dans le noir. Ce film est une bombe de bien-être et de liberté, dont je ne suis pas prêt de me lasser. American Pie ? Ça parle de rock'n'roll, et c'est pas français. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Là, c'est un truc sur les... Si vous l'avez vu, quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah ouais !» Je ne l'ai pas vu. Bah vas-y, dis. C'est Good Morning England. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais vous l'avez... Quoi? Là, on aurait pu chercher longtemps. Hein. Non, mais je suis désolé. Je ne l'ai pas vu. Mais vous êtes des belles merdes. C'est pas J'étais vraiment choqué par ce que t'as dit. Non, excusez-moi. Bah ouais, mais on ne peut pas voir tous les films, tu vois. Oui, bon. Dans la vie. Alors celui-là, je... Je te rappelle que tu as vu Shining en suédois, donc tu n'as pas grand-chose à dire. Oui, mais j'ai plus ou moins apprécié. Pas ce que tu disais. Non, c'est pas du tout ce que je disais parce que c'est pas vrai. Deuxième film. Deuxième film. Ok. Je prends la plume pour la première fois tellement ce film m'a consterné. Waouh. Tout y est lourd. Ce qui aurait pu être un petit film d'été frais est un film où, à force d'appuyer les traits, ces derniers se sont transformés en gros gribouillis. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu? Ah non, mais c'était juste pour vous planter le contexte. Ouais, d'accord. Okay. Okay. Donc ça veut dire que c'est un bon film. 0,5 étoiles, c'est un bon film. Enfin, c'est considéré comme un bon film. Les choristes en chaleur sous la tente, humour télévisuel qui hésite entre la grosse cavalerie, la maman qui donne à son fils une valise GPRS pour communiquer avec elle depuis la colo, le gamin qui lit des journaux financiers. Nos jours heureux. Ouais. Bah, il n'y a pas de choristes dedans. Les choristes en chaleur sous la tente. Les choristes. Sous la tente. Mais je l'ai vu je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle. Et non, mais c'est pas genre les choristes, le film Les Choristes. Oui, je pense que c'est une référence au film. Ah oui, oui. C'est peut-être ça. Voilà. Mais Les Choristes, il est bien. Après, il dit qu'il n'a pas du tout aimé, en gros. Mais c'est tellement bien. Moi, j'ai aimé. Ah, et il dit « Et si les monos du film sont, heureusement, choqués par les propos racistes de certains colons, je me suis... » Colons. Colons. Gérard Colon. Non, des colons, genre ceux qui font la colonie. Pas les Européens qui sont allés en Afrique. Bah, mais les gens qui font des colonies de vacances, on n'avait pas passé des colons. Oui, mais il appelle ça des colons. C'était un petit de 11 ans qui dit propos racistes. Je me suis demandé pourquoi ça ne les dérangeait pas que tout le monde se traite d'enculé à tout bout de champ. Les bonnes intentions ont des limites quand même. C'est dans le film quand il dit qu'en gros, on doit prendre toutes les traces des mains des Noirs et des Arabes pour comme ça, quand il y a un vol, on regarde leurs traces et on compare. Waouh. Wow. Je me rappelais pas de ça. Ouais, moi non plus. Bon film du coup. Oui. Mais non, mais après, c'est un personnage qui dit ça, c'est pas. Non, mais je me doute bien. Si c'est le propos du film. Le message du film. Surtout que, tu sais, c'est surtout le mec qui dit non, mais c'est mon père qui dit ça et tout. Il y a Omar Sy qui le regarde super mal. Ouais. Oui. Bah, tu m'étonnes. C'est vrai. Alors, un troisième commentaire sur nos gens heureux. Troisième commentaire. Une bonne comédie qui mérite d'être vue. Il manque un presque rien pour qu'on s'y attarde. 0,5 étoiles. Il manque quoi? Un presque rien pour qu'on s'y attarde. C'est un peu court. Mais elle mérite d'être vue quand même. 0,5 étoiles. C'est hyper prétentieux. Je ne dirais pas ce qui ne va pas. Il manque juste un tout petit truc pour que ce soit regardable. Je l'ai senti. Mais what? Je n'ai pas du tout aimé, rien de nouveau dans ce film, humour lourdingue, je me suis ennuyé du début à la fin, 0,5 étoiles, voilà. Je voulais juste vous donner cet avis. C'est nos jours heureux. Ah mais si, parce que en fait il écrit lourdingue, mais c'est lourding, c'est ing à la fin, c'est pas genre lourdingue. Ah, c'est comme si c'était un verbe anglais en fait. C'est juste pas ouvrir. Ouais. Ouais, voilà. Mais c'était pas ça le... Ça, c'était pas un nouveau. C'était le dernier de okay. nos jours heureux. Putain, ça. Les gens sont méchants. Ouais. Ils sont haineux les gens. Ouais. Les gens... Est-ce que c'est Monsieur Grenouille? Non, dommage. Monsieur Grenouille qui avait 800 abonnés là. Ouais. Non, c'est pas lui. Une critique 5 étoiles pour un nouveau film. Le film comique de l'année, sans aucun souci. On rit du début à la fin et quel grand plaisir de voir tous ces acteurs en si grande forme. Vive la comédie française. Qu'est-ce qu'on a Les Visiteurs 3? Ni l'un ni l'autre. Les Bronzés. Oh. Camping, non. Camping. Non mais si vous en dites, si c'est camping, je te déteste. C'est camping. Si vous en dites 5, si vous en dites 5 en même temps, vous êtes sûr de le trouver dès le premier commentaire si vous les dites toutes. Mais t'as choisi un mauvais commentaire pour non un bon commentaire pour camping. Non, t'as choisi quoi? Un mauvais commentaire. Non, un très bon commentaire. Deux bons commentaires et deux mauvais commentaires. Pour un film. Pour vas-y, balance les mauvais. Ouais, ok. Les mauvais. Ouais. Bah, je vais peut-être finir sur une note de positivité. Oui, parce que camping, non, mais balance, camping, au pire, balance un mauvais et ensuite tu finis sur le deuxième bon. J'ai vomi à peu près 30 fois après avoir regardé ce film. Risque intense de ne plus vouloir vivre après cette. C'est horrible! Après la vision de ce navet. Non. On remercie encore une fois de montrer notre ridicule en matière de films français au monde entier avec ce genre de film. Wow. Attends, mais là c'est hyper abusé. C'est un commentaire de 1-8-8-8-7-7-8-8-8-7. What? Mais il veut carrément se tuer. Il veut mourir. Non mais il s'est fait vomir. Il a dit non, c'est pas suffisant, faut vraiment 30 fois il a vomi. 30 fois. Le film dure une heure. Mais même quand t'as la gastro, tu vomis pas 30 fois. Le mec a vomi toutes les 10 secondes. J'étais très content de l'avoir trouvé parce qu'il était très très très remonté contre bon, le. Bon, vas-y, balance le bon, balance le bon et après un dernier mauvais. Bah non, t'as dit tu finissais sur une note positive. Mais oui. Ah oui, on finit sur ce que je veux. Oh, bon, non. Cette série est à mettre dans les meilleurs quarts. C'est une série? Les meilleurs quarts? Oui, c'est une série. Bah, tu sais, il y en a deux. Les meilleurs quarts, genre les quarts de vacances. Ah putain. Elle nous fait. Non, mais c'est le même film. Elle nous fait penser aux vacances! Puis, elle contient de grands acteurs sûrement appréciés dans le monde entier. Le problème, c'est que le lendemain, j'ai mal à la gorge. Parce que j'ai trop ri. C'est trop mignon. Ouais. C'est trop mignon. Allez, un dernier mauvais commentaire pour camping. Celui-là, il m'a fait marrer aussi. Vous devriez prévoir le cas où on ait la possibilité de n'attribuer... Pardon, je la refais. Ouais, s'il te plaît. Vous devriez prévoir le cas où on ait la possibilité de n'attribuer aucune étoile. Tout en ayant celle de soumettre un avis. Comment voulez-vous noter ça? Cet encéphalogramme plat, une petite modif sur l'appli serait vraiment bienvenue. Merci d'y penser. Les mecs sont changez votre appli, je n'ai pas aimé ce film. Non mais parce que à la limite, tu vois, genre il y a des films qui sont vraiment énervants, tu vois, où t'es vraiment vénère, genre je sais pas, enfin des films problématiques, tu vois. Ouais. Mais Camping, c'est juste une comédie un peu lourde. Ok, bon, c'est un peu. Il y a même pas de blague raciste, je crois. Bah non, t'as pas de blague raciste, t'as pas de. Déçu. En plus, c'est un truc genre c'est hyper, enfin. Je dirais pas. Enfin, c'est hyper populaire quoi. Ouais. C'est, ouais. Ça se moque du petit bourgeois et tout qui arrive dans même le. Même si c'était un petit bourgeois le mec. Non, mais surtout, il était tellement vénère qu'il allait sur l'appli. Il a quand même laissé le truc alors qu'on pouvait pas mettre 0 étoile. Genre, il a dit bon, je mets 0,5 étoile, mais je vais quand même dire les gars, il faudrait quand même mettre 0 étoile. C'est vrai. Très très vénère. Très vénère. Nouveau film, celui-là, c'est donné parce que vraiment, j'ai pas envie de vous le faire deviner. C'est juste pour vous lire des commentaires sur ce film. L'excellente comédie culte avec José Garcia et Richard Anconina, Vincent Elbaz, Richard Boringuet, le regretté humoriste Eli Kaku, Bruno Solo, oh là là, Anthony non, Delon. Non. Ah non, mais si. Le fils d'Alain oui, Delon. Non, mais je disais non, suivi non, des excellentes. Suivi des excellentes, la vérité. Bah, si je m'en doute. Ils arrêtent pas de dire ça dans un film, tu rigoles. Oui, quoi. Par contre. Oui. Bah, quoi? Tu couperas au montage. Ils ont pas cet accent dans la vraie vie, ils le font pour de faux. Oui, ils le font pour de faux. Mais évidemment, mais c'est dans le film, tu crois quoi? Eh, tu crois quoi? Bah, tu vas voir. Oui, non, mais. Quoi? Ils parlent pas comme ça en vrai! Mais Gad Elmaleh, quand on voit ce spectacle, pourtant. Qu'on limite le chinois, il est pourtant. Il est pourtant bah si. Je suis choqué. Si honnête. C'est comme ça qu'il fait le chinois. Mon monde s'écroule. Un commentaire. Attends, je fais juste une pause, sachant qu'il y en a un quand même. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais de base, il est pas du tout juif dans le film. Comment il s'appelle? Je sais pas. Le protagoniste de base. Jean Garcia. Non, comment ça s'appelle? José Garcia. Non. J'en sais rien, moi je connais José pas. José Garcia. Il... Je connais pas le peu culte importe, ni les origines de façon, des gens. Oui, oui, on ne sait mais... pas. Putain. Ok, vas-y, continue. J'ai décidé de t'humilier. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Non, alors du coup, si tu parles d'un film et que tu l'as jamais vu, bah tu devrais pas en parler. Mais je parle pas de film, moi je reporte ce que si ton film préféré c'est pas Citizen Kane. Kane t'es pas un vrai cinéphile. C'est un vrai cinéphile. Alors, un nouveau commentaire 5 étoiles pour le même film. Ça doit faire la 3e ou 4e fois que je regarde le film, et à chaque fois c'est toujours pareil. J'en ressens avec un excellent souvenir. Oh. Je crois que ce qui fait la force de ce film, c'est tout son univers, son bronzé. Ambiance. Non, c'est le même mais film. Non, c'est le même. Oh, mais putain, mais je suis nul. À chaque fois, tu comprends le principe du non, jeu. Mais il écoute pas en fait. Ça fait 2 épisodes, on enregistre, il écoute pas. Hein. C'est fou. Mais si, j'écoute. Mais non, mais moi, ce qui m'a fait marrer, c'est ce qui fait la force de film, c'est son univers. On n'est pas dans les Marvel, là. Mais parce que c'est l'univers d'une bande la vérité cinématique univers. Mais attends, Antonin, tu l'as vu le film ou pas? Tu les as vu les films ou pas? Non. En fait, en gros, c'est une bande de potes, justement, qui sont. Attends. Eli Kaku. Eli Kaku. Je meuble en disant un nom. Qui sont de religion juive. Confession. Et du coup, ok. Et en fait, du coup, il y en a un. Je crois ils doivent être 4 ou 5, je crois. Et il y en a un, en fait, au tout début mille. Du premier. Il trouve une étoile de David par terre. Et en fait, du coup, il l'a dans la main. Et il rentre dans un magasin, tu vois, qui est tenu, du coup, par une personne ayant qui est de confession juive. Okay. Et lui dit, bah attends, pourquoi tu la portes dans la main et tout? Enfin, faut la mettre autour du cou. Et de là, il se fait prendre pour un juif, du coup. Oui. Et il rencontre, dire, du coup, toutes ces bandes de potes. Mais je pense que c'est ça, l'univers, en fait. C'est surtout... Oui, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est vraiment... son univers, genre juste son ambiance, ça aurait suffi. Il a juste vraiment rajouté son univers, genre c'est vraiment un truc de c'est pas dans la vraie vie. Les juifs n'existent pas, hein, donc c'est une fiction. Attends, excuse-moi là, tu serais pas négationniste? Ils n'ont jamais existé du tout. Carrément, le gars qui va jusque là. Non, ils ont pas existé. Il négationne toute l'histoire. Ah, on est né il y a 2 secondes, non? Alors, dernier commentaire pour le même film. Oui. C'est bon, Théophile, t'as compris? Ouais, j'ai compris, c'est le même film. C'est pas Les Bronzés. Un des meilleurs films français que j'ai vu. Ah, Les Bronzés, du coup. Une belle histoire, pas trop cliché, à voir et à revoir. Pas trop cliché. Pas trop cliché. Mais pas c'est trop mignon, cliché. À voir et à revoir, il est content, il l'a vu. Oui, mais pas trop cliché, La Vérité si je mens, qui est quand même le film le plus cliché de tous les films. Ah, ça parle. Ah, c'était pour La Vérité si je mens. Oui, ah, attends, mais... je pensais que c'était un autre film. Non, mais désolé, j'ai. Mais bah, quand il y en a un qui l'écoute, ouais, c'est l'autre qui écoute pas. On est deux concentrés ici. Oui. Ah, et d'accord. Ah, bah oui, non, mais oui. Là, il abuse carrément, là. Bah ouais. C'est fini le jeu? C'est fini. Oh, bah j'ai bravo le jeu. 1, 2, 3, 4, ouais. Mais 4, c'est pas compliqué. Mais on j'essaie peut, d'instaurer on peut le faire un... en canon aussi. Running gag. Putain, les gars. Et du coup, est-ce qu'on passerait pas à l'écriture du film? Ouais. Oui. Oui. Oui. Ah. Et bien c'est parti. Comme on a déjà énuméré les clichés, on va pas le refaire. Bah après on n'a pas énuméré tous les clichés. On peut énumérer les idées qu'on va développer. Les idées qu'on va développer. On va faire un plan et ensuite on va détailler. Alors, le plan. Ouais. Alors déjà quelle tranche d'âge on vise de notre bande de potes? Alors moi 25-30 ans pour les personnages. Ouais, entre 20 ouais, et 30 ans. Oui. Pour les plus que si c'était pas les personnages, ça aurait été quoi? Bah le public cible. Ah non, mais depuis quand on fait du marketing? Non, parce que moi je planifie si on les fait en fait. T'as pas remarqué depuis le premier film John Wick, c'est tout est prévu. Ah, ouais, bah oui, du coup je l'ai vu sortir il y a pas longtemps. Bah ouais, mais c'est le 3 est bien. Ouais, le 3. Du coup, ouais, quel âge notre bande de potes? Du coup, tu disais entre 20 et 30 ans. Ouais, ouais, c'est une grande fourchette. Entre 20 et 25 ans. C'est un râteau là! 25-30 ans, genre. C'est une vanne de Gad Elmaleh. Que j'ai reprise. Que j'ai copié. Copie comique. T'as volé un plagieur. Oui, qui vole des plagieurs lui-même. Qui vole, ça s'annule. Enfin, deux vols, ça s'annule. Pour moi, bah c'est oui. comme ça. Bah ouais, moi, du coup, c'est ça fait. Que ça parce que Gad Elmaleh, ça s'annule puisqu'il vole un voleur. Ouais. Mais moi, du coup, je vole. Un voleur, un voleur qui vole un voleur. Donc, du coup, moi, ça se désannule. Ok. Copie comique va me passer les menottes. Ok. Mais du coup, on fait plus dans un camping, dans un endroit des riches, des pauvres, des... Moi, je verrais bien dans une maison de vacances à la plage, juste. Comme les petits mouchoirs. Okay. Bah, au pire, si tu veux, on réécrit les petits mouchoirs. On fait, on écrit nos vacances à Bandol. Vas-y, viens, on prend Bandol. Parce que pour info, Agathe et moi, on va en vacances dans 3 semaines à Bandol avec notre bande de potes. Donc ça fait 4 ans qu'on y va. Et moi, dans un mois et demi. Ben oui, mais on se croisera pas en fait. Oui, mais on se croisera pas. Et puis tu viens pas avec nous en fait. C'est sympa, l'inclusivité. Mais viens avec nous si tu veux. C'est pour ça la coupure estivale, c'est pour ça. C'est parce que, bah oui, parce qu'on part en vacances. Bah ouais. Non, on a vraiment la flemme, on part 2 semaines à peine. Ah ouais, vous avez de la chance ou ? Non, non, mais. Non, on part 5 jours. Bref, peu importe. Donc on peut faire Bandol après. Ouais, Bandol. Genre une ville un peu nulle. Oui, parce que là c'est mieux. Parce que je voudrais dédier ça à quelqu'un qui nous a appelé juste avant l'enregistrement de l'émission. Non, elle a juste appelé Théophile. Hein. Voilà, on va faire ça à Bandol. Ok. Parce qu'en fait, c'est chez elle qu'on va. C'est qui t'a dit qu'elle était fan de toi. On va pas dire son nom. C'est qui ? Hélène. Peu importe. Je suis mal à l'aise. Vite. T'es mal à l'aise ? Tu veux qu'on te mette un petit peu d'eau ? J'ai chaud. Oh putain. Le mec, quand il est mal à l'aise, il est insupportable. Aloha, Silly Family. C'est Stitch qui a la chiasse. Non, mais j'aurais dit Stitch constipé. Ouais, du coup, ouais. L'un ou l'autre. Tu choisis. Les deux extrêmes. Tu choisis. Ouais, du coup, ça se passe à Bandol. Voilà, dans une maison de vacances. Dans le sud, Côte d'Azur, on dit Côte d'Azur. Oh, mais pas une ville riche, une ville de pauvres. Ouais, comment moi je préfère les villes de pauvres. Bah, je sais pas, le sud, c'est souvent les bandoles. Vacances, quand tu vas en vacances, t'es pas pauvre. Ah bah oui. T'es au moins classe moyenne, bien. Enfin, nous, du coup, comme on part à Bandol grâce à l'argent du podcast, quoi. Ah bah oui. Merci d'ailleurs à personne qui nous a donné de l'argent. C'est super sympa. Bah, c'est les sponsors. Hein. Bah oui. Bah, à chaque fois qu'il y a une marque qui est citée, hein, vous le savez pas, mais on gagne de l'argent. On touche Pepsi, de l'argent là-dessus. Pepsi, Saint-Michel, les micros, Sennheiser. Bon, j'ai pas de... Hop, 10 000 balles. Ah, vous saviez pas les invités, hein. Bah ouais. C'est comme ça. Bah ouais, non, mais moi je suis plus chaud pour une ville un peu. Pas nulle, mais. À chaque fois on fait dans des villes nulles. On peut pas faire ça au Pays Basque. Bah voilà. Mais c'est pas nul les Pays Basques. Bah oui, non, je sais, mais justement, tu sais, ça fait mais très. Pendant les férias. Ah ouais. Bah oui, ça c'est. Il y en a un qui. Bah en fait, on fait. Mais carrément, c'est des bandes des Parisiens qui veulent partir du coup Pays Basque pour faire du coup les fêtes. Ça amène plein de blagues, les Parisiens qui méprisent les provinciaux qui méprisent les Parisiens. Ah non, mais par contre, ils partent pas. Non, mais non, ils font pas stop, ils font un quart justement, parce que là, du coup, il y a tous les gens qui vont aller faire des rencontres. Dans le quart, ils mettront camping du coup. Après, ça fait beaucoup de personnages, mais alors qu'un autostop, tu vois. On va dire qu'ils sont 3-4 de base, ils remplissent pas tout le quart. Ils y vont en quart. En camping. Mais non, mais ils vont en quart. En stop, en camping. En Ouibus. Le car qui organise. En Ouigo. En Ouibus, allez hop, 10 000 balles. Non, mais. Le car qui organise du coup le trajet pour les jeunes qui vont aux fêtes basques. Mais c'est une bande de potes. Mais moi j'aime bien l'idée de l'autostop. Okay. Oui, moi aussi j'aime bien. Mais ça va être très long. Ils sont que 3. Tu vas pourquoi de Paris jusqu'à. Mais, c'est une scène qui dure. L'autostop, ça peut durer 15 minutes. C'est quoi. Le début. Oui, c'est fictif. C'est le début. Genre on les voit. On le fait pas de façon. Ça commence, ils font l'autostop. Ça commence, scène d'ouverture. Ou un pouce levé avec les voitures. De ouais. Du coup, on a commencé l'écriture du film. Ouais. Scène d'ouverture, ils sont en autostop et il y a des gars dans un camping-car qui s'arrêtent et qui les prennent en camping-car. C'est vrai que s'ils sont 5, il y a qu'un camping-car qui peut les prendre parce que. Bah oui, c'est ça. Genre bah une voiture normale. J'ai un seul place, mais je suis seul. C'est un couple plus âgé. On était comme vous, hein. Comme par hasard, ils vont. Mais c'est pareil. Des papy-mamies, des retraités. Oui, oui, trop bien. Genre un couple de retraités qui et ils vont genre, se faire oh, potes enfants. Avec les. Un peu les vieux. Des retraités, mais un peu à la Jackie dans Camping. Ah oui. Le gars qui boit du. Bon alors, maman. Voilà, c'est lui là. Ah, le misogyne, ouais. Au bout. Oui. Bah, celui vieux, qui est joué par Jacques. Prévert. Bah, pas du tout. C'est vraiment. Non, mais il est mort il y a pas si longtemps que ça. Bref. Et donc voilà, le couple de vieux. Qu'est-ce qui se passe dans le camping-car? Attends, les tue. Déjà, ils sont combien, les gars? Film d'horreur. 3 ou 5 on refait un film d'horreur. 4. 4 Ils sont 4 C'est bien. 4. 4. Il y a 3 mecs et une nana. Non, 2 mecs de nana. Il y a un peu de mecs de meufs. Un couple et 2 célibataires. C'est toujours comme ça. Ouais. Un couple et le couple va être mis à rude épreuve. Le couple va être mis à rude épreuve. Pas mal, et les célibataires, ils vont être mis à rude épreuve aussi. Oui. Ne pas baiser. Ils vont coucher ensemble. Non. Il y a un des gars du couple. Il fait du yo-yo. une des personnes en couple. C'est la suite. C'est Johan. C'est Johan. C'est la suite. Ouais. Et Johan. Ok. Johan et Yolande avec leurs deux amis. Si vous n'avez pas la référence, écoutez l'épisode 4. Bah du coup, faut écouter l'épisode 4 puisque c'est la suite. Non mais voilà, en gros, Johan et Yolande. Johan et Yolande, ça fait un an qu'ils sont ensemble maintenant. Non, ça fait 10 ans. Attends, on explique. Mais non, ils sont jeunes. 5-6 ans. 5-6 ans. Mais vous rigolez ou quoi? Eh les gars. Ils avaient déjà dit. Wow. Ils avaient 19 ans, maintenant ils ont 25. On m'écoute pas. C'est vrai. Oui. Non, on explique. Oui, on t'écoute. Il y a Antonin qui fait des grands gestes. Non, mais on explique parce que il y a des gens qui n'auront pas écouté l'épisode 4 avant d'écouter celui-ci. Écoutez-le. En gros, Johan et Yolande, dans l'épisode 4, on développe un peu, mais c'est, ils sont dans un film d'adolescents et ils se rencontrent. Dans une colonie. Et ils tombent amoureux. Johan, il fait du yo. Malgré le yo-yo. Ils ensemble. Voilà, et à la fin ils sont ensemble. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont maintenant, en couple. Et là, maintenant, du coup, ils partent en vacances. Petite ellipse de temps, et ça fait maintenant 6 ans qu'ils sont en couple. 6 ans plus tard. Du coup, avec le gars qui faisait du Diabolo. Par contre, on prend des nouvelles personnes. Avec deux gamins. Okay. Ils ont donc deux amis. Et avec ces deux amis, ils partent en vacances. Ok. En autostop. Okay. Ouais, c'est des amis qu'on connaît pas. Moi, je veux que. Bah, la moment... pote de la meuf et le pote de Johan. Ouais, parfait. Et eux, ils se disent peut-être, mais comme partout... ils sont célibataires, peut-être qu'ils vont se mettre ensemble, tu vois. Parce qu'ils partent en stop, mais ils partent où? Où est-ce qu'ils vont loger? Où est-ce qu'ils vont loger? Dans un bungalow. À Biarritz, dans la banlieue de Biarritz ou Biarritz, ils ont pas de bagnole, du coup, ils peuvent pas trop être en banlieue. Okay. Mais c'est cher. Ah bah alors non, Biarritz même. Bah il y a des campings mais, dans. Non mais ils prennent une chambre, une chambre d'hôte. Non mais ou alors auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse, ça coûte pas cher. Ah bah oui. Ah bah après on n'est pas en train d'organiser nos vacances, donc on peut dire qu'ils ont de la thune. Ou un club de vacances, genre Pierre et vacances. Club Med. Ils avaient tout économisé pour le truc et ils avaient pas la thune pour prendre un. Donc c'est à dire que ils bossent, ils sont mono au Club Med. Et après, quand ils vont en vacances, ils vont à Pierre et Vacances. Ils passent leur vie dans les clubs. En fait. Moi, je voyais plus ça, auberge de jeunesse, je trouve. Ça incite à plus de rencontres. C'est dingue, parce que quatre dans une chambre et auberge... tout. Mais non, parce que moi, j'avais l'image de genre les bronzés, en fait. Ça se passe dans un Club Med. Ah bon? Mais c'est trop cliché, oui. Le Club Med. Oui, c'est pour ça que je voulais Pierre et Vacances, parce que c'est genre un peu le Club Med low cost, du coup. Le Walmart. Vacances pour tous. Un Center Park. Ils vont à Center Park. Ah oui. À Biarritz. Ça coûte cher, Center Park, en vrai. Ça coûte une blinde, Center Park. Ah bah ok. Mais non, vas-y, soit auberge de jeunesse, soit un Pierre auberge Vacances. Genre auberge de jeunesse, mais qui a un peu des activités, qui fait des trucs un peu... Ouais, qui est... Auberge de jeunesse à Biarritz. Club de jeunesse. Quand tu loges chez eux, t'as des réductions. On prend un Pierre et Vacances. Non, mais c'est bien. Ça coûte pas cher. Ils ont leur petit appartement. Il y a deux chambres. En fait, ça dépend. On veut quoi comme suite? C'est quoi la suite de l'histoire? Bah moi je veux que ce soit que des problèmes de cœur et tout. Genre il y a un moment, il y a la meuf en couple, elle va coucher ailleurs. Yolande, Qui gobe ses aliments. Oui c'est vrai. Non elle a arrêté ça, elle a arrêté. Mais non, c'est pour ça qu'elle couche avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Bah parce que le mec il pense que c'est des avances, tu vois. Mais oui, il est là. Et en fait, à côté, il y a Johan qui est en train de parler à une meuf. Elle est hyper jalouse, tu vois. Et elle gobe des choses devant un. Elle fait. Et du coup, il y a le mec en face, il fait. Il fait un clin d'œil, il fait. Et ça lui directement. Non, en fait, elle couche pas avec. Non, attends, elle couche pas avec lui. En fait, on pense qu'elle a couché avec lui. Alors qu'en fait, juste, il lui a dit. Avaler des aliments avec lui. Tu veux venir avec moi et tout. Elle dit ok. Et en fait, genre, du coup, Johan il pense qu'elle a couché avec ce mec là. Alors que pas du tout, genre, limite, elle l'a repoussé, tu vois. Non, mais non. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pécho une meuf. Alors que sa meuf, elle avait rien fait. Pour de vrai. Vois. Il va le faire pour bim, de vrai. Bim, bam, bam. Ok, non, mais après, elle là, a une attitude là, on va très naturelle loin. À séduire sans faire exprès. Ouais, parce qu'elle tu gobes des choses. Là, le truc, c'est que ça va être que du développement de personnage, quoi. Le film, ça va être. Ouais, c'est vrai. Oui, mais du coup, donc, le setup, coup, c'est ils sont dans un Pierre et Vacances. On fait vraiment. Pierre et Vacances ou club de vacances pour jeunes, quoi. Une sorte de camping. Club de vacances pour jeunes. On s'enfonce à Biarritz. Voilà. Et pour jeunes adultes. Pendant les férias. Et du coup. Il y a plein de gens de leur âge, il y a plein de gens plus vieux, etc. Voilà. Mais, et donc, ils y vont en stop. Est-ce que les personnages du début qui les amènent en stop, on va les revoir? Moi, je dirais que à la fin. Ils sont dans un camping voisin, genre. Et moi, je pense qu'on les revoit que à la fin. Ils vont dîner chez eux à la fin. Un petit clin d'œil à la fin. Moi, je pense qu'ils seraient utiles, genre, par exemple, quand ils ont des problèmes, ils viennent directement chez eux. Tu sais, ça fait un peu les psys du groupe. Ouais, ou alors c'est genre. Non, mais c'est des papy-mamies, non? C'est un peu mais ils ne connaissent pas. Non, mais ça peut être. Mais ils sont attachants, genre. Non, sinon, Johan, il a des daddy issues depuis que son père il est mort, et du coup, il considère le papy comme son. Des problèmes avec son père, daddy issues. Dali. C'est vrai qu'il est mort, son père. Ah, bah oui. Et du coup, il le considère comme son père de vacances, tu vois, son père de remplacement. Est-ce que, de vacances. En stop, du coup, il a pris la table de ping-pong que lui a légué son père. Mais non, entre temps, il a le yo-yo. Mais c'était un yo-yo. C'était un yo-yo en bois. Oui, d'accord, mais il avait aussi légué la table de ping-pong. C'est un sport, n'empêche pas l'autre. Et oui. Peut-être qu'il a légué. Peut-être que, genre, la bague pour Yolande, c'était le yo-yo. Du coup, genre, c'est Yolande qui l'a. Ok. Ok. Veux-tu m'épouser avec le yo-yo? Ouais, okay. Oui, bah, ouais, bah, c'est un symbole. Est-ce que ça commence? Mais pourquoi on verrait ça? Il a demandé en mariage. Ouais, pourquoi? À la fin. Oui, à la fin. Mais parce qu'il se réconcilie. Mais parce que moi, en fait, mon idée, c'était genre un truc un peu en mode un peu chiant, tu vois, parce que c'est des histoires évidemment de cœur. Et genre, la meuf Yolande, elle va coucher avec un autre gars, mais genre bourrée. Elle se fait abuser un peu. Non, elle se fait pas du tout abuser. Non, pas d'histoire de viol. Non, elle mais est non, consciente. Pas ça. Elle mais est genre, consciente. Elle est bourrée, mais il elle est de consentante, forcer, mais elle est pas vraiment elle-même, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, elle est totalement consentante. Mais on parle pas de tout ça. Mais juste, voilà, elle était un peu bourrée. Ça arrive de faire des bourdes quand t'es bourrée. Mais attends, mais là on a. C'est pas du tout un message personnel. Mais... Céline, si tu m'entends. Attends, Céline. Je sais pas, moi j'invente. C'est le nom du monde. Dis donc. Bah, c'est horrible. C'était ma prof de CP. Et du coup, pendant tout le truc, c'est genre un truc où elle essaye de se racheter. Ou le mec, hein, ou ça peut être le mec qui fait la bourde aussi. Enfin, c'est, bah après, on peut pas se concentrer aussi sur les deux autres amis parce qu'ils n'ont les deux aucun prénom amis, pour l'instant. Bah ça peut être avec un des deux que ça se passe. Mais c'est super. Non, c'est glauque. Mais du coup, ils couchent pas ensemble. Oui, c'est pas glauque. Oui, c'est glauque. Oui, mais c'est le but. Mais non, mais parce que ça voulait. Non. Pourquoi ce serait glauque? Mais parce que justement, en fait, on va dire que les deux autres amis, eux, leur objectif, c'est. Tu sais, déjà, on va dire qu'ils se connaissent pas, tu vois. Genre, il y a la meuf. La meuf, elle est pote avec Yolande et le mec, il est pote avec Yo-Yo. Johan. Il y a un partage de brownie. Moi aussi, j'en veux. Non. Si. Et en fait, du coup, voilà. Et il y en a. Donc la meuf, on va l'appeler, je sais pas. Comment on l'appelle? Joséphine. Marie et Pierre. Marie et Joseph. Oh, bah oui, j'avais. Ah, fait. Pierre et vacances. Marie et Joseph, j'aime bien. Non, Pierre et vacances. Ils ont un enfant, il s'appelle Jésus à la fin. Bah ouais, voilà. Ressus, comme ça. Mais du coup, Marie et Joseph, donc. Marie, elle est un peu. Tu sais, elle est un peu coincée, genre. C'est un peu la meuf. Ah bah elle est vierge, ouais. Comment ça vierge, ça veut dire coincé? Non. Oups. Oh, elle t'a acculé dans mais un non, coin. Mais non, mais c'était parce que elle t'a mis dans le coin, elle a dit "Vas-y, je te frappe mon gars." Tu peux mais pas non, t'en sortir. Mais parce que la Vierge Marie quoi. Oui, bah, c'est ça la blague. Est-ce que la Vierge Marie était coincée? Oui, bah, c'était le principe. Tu la connaissais personnellement? Mais j'ai des témoins déjà. J'ai des contacts. Tu sais dans le cinéma, on connaît beaucoup de monde. Bon bref, donc Marie elle est un peu coincée, tout ça. Elle sort d'une relation d'un an, voilà. Ah oui, il l'a trompée et elle a super mal vécu. Ouais, c'est ça. Elle est en chagrin d'amour encore et elle part pour s'en remettre. Elle a des problèmes de confiance en elle. Voilà. Et oui. Pierre c'est, attends, c'est et totalement Joseph le personnage de Laurent Lafitte dans Les Petits Mouchoirs. Oui, mais okay. C'est Marie là. Mais là c'est Marie. Oui, c'est Marie. Attends, et Joseph lui c'est un peu le tu sais c'est le dragueur quoi, le fuckboy de la bande. Il est en mode qui a l'air oui, dragueur cherche le vrai amour. Non mais voilà, cherche le grand amour. Il fait croire à tout le monde qu'il a baisé plein de meufs et tout alors qu'en fait non il a baisé plein de meufs mais au fond de lui il cherche juste l'amour véritable et c'est que des meufs superficielles qui trouvent. Parce que de toute façon c'est ça un peu l'histoire de la vie, c'est quand attends il est attiré par Marie parce que c'est la seule fille qui lui résiste. Ah yes, prouve qu'il existe parce que elle est pas à l'aise parce que lui il a beaucoup d'expérience et tout et que elle est comme elle non mais elle le prend pour un goujat quoi, elle se dit ouais goujat. Non puis elle aussi elle est genre là il a baisé avec plein de filles, moi j'ai pas baisé. En fait, Marie elle est très puritaine quoi. Ouais, et Joseph pas du tout. Et Joseph, ah, il est fait mais ouais Marie que Dieu, à ton avis Dieu pourquoi il a mis le bébé dans Marie hein, c'est parce pas que pas dans Joseph. C'est pour ça. Et bon ouais du coup ouais. Bah ça peut être bien ça du coup. Mais du coup Yolande elle couche avec Joseph? Peut-être pas Joseph du coup. Non, peut-être pas Joseph. Parce non, que Joseph il un serait mec, occupé avec. Non, il faut que chacun ait un arc narratif et qu'il voilà, voit c'est pas ça. Que c'est pas un cercle fermé, tu vois. Voilà, mais ça se recoupe, ça s'entrecoupe et ça oui, se... voilà. Ça s'entrecoupe. Quand avec des ciseaux et une petite haie, voilà, bon. Donc ils arrivent au Agathe est saoulée. Non. Non. Ils arrivent à Biarritz. Tu sais quelle heure il est, Antonin? Ils arrivent donc à Biarritz dans leur truc de jeune Pierre et vacances de spécial 25-30 ans. Et c'est marqué sur l'entrée. Non, mais c'est un Pierre et Vacances. Bienvenue au Pierre et Vacances spécial 25-30 ans, uniquement réservé à ceux qui habitent dans la région du bassin parisien. Premier soir, ils arrivent hyper tard. Genre 19h. Bah, il y a 10h. Et là, énorme surprise, il se rend compte qu'en fait, il y a deux lits doubles. Alors qu'il devait y avoir que un lit double et deux lits séparés, tu vois. C'est trop bien. Mais il y a un canapé aussi. Mais il y a un canapé. Et du coup, Joseph, il dit bon. Bah, comme moi, je vais ramener des meufs. Voilà, c'est ça. Toi, tu prends le canapé. Et genre, elle le prend trop mal et tout. Mais comme elle ose pas dire non. Et là, genre, d'accord, ok. Mais c'est tout, mais c'est trop Laurent Lafitte. Mais oui. C'est un canapé. C'est un canapé. C'est trop Laurent Lafitte. Oui, mais moi, je l'ai pas vu. Moi non plus, je l'ai pas vu. En gros, Laurent Lafitte, c'est un gars. Mais ne spoil pas. Mais non, mais. C'est pas du spoil. Déjà, c'est un gars, c'est pas un spoil. C'est un gars qui. Ça va. Qui vient de se faire larguer, enfin qui s'est fait larguer par sa meuf, et pendant tout le truc, il fait que repenser à sa meuf. En plus, il a la chambre pourrie dans la maison. Genre, c'est vraiment ça, quoi. Non, mais on va changer un peu. Bah, on peut, mais déjà, après, non, mais après, elle a un canapé. Elle a un canapé lit, donc voilà. Au moins, ça change totalement. Non, c'est pas un canapé lit, c'est un canapé. Bah, c'est un canapé dépliable, quoi. Non, elle dort, c'est un truc où tu t'assois. Attends, la pauvre choupette. Elle sait pas s'affirmer, donc elle. Choupette, non, mais c'est un canapé où on dort plutôt bien, mais c'est pas un canapé lit, tu vois. Ok, d'accord. C'est genre juste. C'est un canapé en tri. En truc, là. Un peu des plaides, tout ça. Non. Oui, voilà. C'est cosy quand même. Elle est cosy, mais juste, elle a. Elle est miskine parce qu'elle a pas de lit, le canapé, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Elle a le canapé. En plus, et lui, alors que lui, Joseph, il est trop. Il n'y a pas de volet dans le salon. Ah ouais, putain, et ça, genre... c'est chiant. Elle se fait réveiller par tout le monde. Par le soleil. Oui, déjà par le soleil. La nature. En plus, c'est plein sud, le salon, je vous jure. Il n'y a pas, de la clim, en plus. Il fait chaud, en plus. Si, il y a la clim, quand même. Non, heureusement qu'il y a la clim. Attends, t'imagines le climat. Pays Basque, tu connais, t'as entendu parler du réchauffement climatique, ma cocotte. Excuse-moi, mais Pays Basque, c'est chaud et froid, hein. Oh. Bah, même en été. C'est donc tiède. C'est ça. C'est on mélange, ça. On mélange et on obtient du tiède. Et du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est le personnage de Marie. Ouais. Donc elle vient se faire larguer, machin, pauvre la pauvre. Bichette. Et Joseph, aucun remords. C'est un peu un connard. Un gros kenner. Est-ce qu'on peut faire une backstory? C'est un gros kéké. Non, il est sorti avec une meuf pendant genre 2 ans et elle l'a trompé. Il a tellement mal pris. Mais tout le monde s'est fait tromper par tout le monde. Non, mais il a tellement mal pris. Il s'est dit qu'il allait coucher avec toutes les meufs de la terre. Trompe tout le monde. C'est comme ça. C'est le message. Moi, je trouve que justement, ce mec, on devrait juste ne pas savoir pourquoi au début il est comme ça, tu vois. Parce qu'il est beau, en fait. Ouais, c'est le mec beau gosse. Oui, Joseph. Je sais que quand on s'appelle Joseph, il y a peu de chance. Mais il y en a. Big up à tous les Joseph. Ok, et il est resté avec cette meuf là. Mais non, mais moi je trouve pas ça. Non, si. Mais non, parce que si, après parce ça que fait trop de tromperie dans le truc, genre c'est non. chiant. Bah, c'est des histoires de cul. Non, hein, mais c'est une vieille histoire et ils en parlent plus. Mais en fait, ce que j'ai une idée. Ça pourrait être hyper intéressant que, en fait, son ex, du coup. Elle soit là. C'est la vraie pote, en fait, de base de Yolande, Johan et de Marie. C'est elle la pote à la base. Et du coup, et c'est Joseph qui s'est ramené. Ah. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est pas là. Et en fait, elle devait être là. C'est tordu ton quoi truc. Il a remplacé son ex. Moi, j'aurais plus. Il devait y aller à 5. Et quand elle a appris qu'il y avait Joseph, voilà, c'est ça. Genre, non, ou alors ils devaient y aller tous les deux avec, non, oui, avec Yolande et Johan en mode couple, vacances en couple, tu vois. Non. Ça, c'est fini. Et du coup, elle a dit bah non, je préfère pas venir. Et lui, il a dit bah moi, elle est vacances. Bélec, moi, elle est vacances. C'est sacré, le pastis. C'est ça. Et du coup, pastis au bord de la piscine. Moi, j'ai besoin de ma dose de vitamine D. Yolande et Johan, ils ont eu l'idée bah viens, on ramène une pote à toi qui s'appelle Marie et tout. En plus, elle s'est fait larguer par son copain il y a pas longtemps. Comme toi. Pauvre merde. Comme toi, Lou. Mais attends, mais qui avec a trompé qui dans l'histoire de... Mais ils ont tous fait tromper. En gros Claire. Non, je me rappelle plus. Non. Mais moi, c'est Claire. Attends, c'est Marie. Attends. Du coup... Oui, c'est attends. Attends, c'est un truc à dire. Oui, en fait, moi, je dis, oui, l'ex de... Merci. L'ex de Joseph, en fait, il s'avère qu'elle est là. Genre, elle est à Biarritz. Elle est là. Il la croise au ferry. Mais il la rejoint. Non, attendez, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, genre, il savait pas. Okay, chaque été, bien. En fait, chaque été, Joseph et sa meuf, ils partaient avec Yolande et Johan. Et du coup, cet été, ils partent pas parce qu'elle l'a quitté. Sauf qu'en fait, il sait pas qu'il vient quand même. Il y a le bide d'Antonin qui a... Qu'est-ce qu'il a fait, c'est toi le bruit. Il y avait un bruit. Mais moi, je l'avais. J'ai faim. Mais de l'enfer. Putain, ce bruit. Prends des kettle cooked. Ah, des kettle cooked. Ah, petit placement de produit. 10 000 balles. Dis le plus fort. Kettle cooked. Oui. Quelqu'un veut des kettle cooked. Vico. Ouais, merde. Mais du coup, non, je disais qu'en gros, oui, le couple Yolande Yuan et Joseph, sa meuf, ils partaient en vacances tous les étés. Et cet été, non, puisque. Évitez de. D'interrompre ma chronique. C'est l'apéro. Ta chronique. Ma chronique. Actuellement, il est 21h48. Hein, je veux le dire, on est tous fatigués. Allez. Et Mathilde. En gros, elle vient pas, mais il ne sait pas qu'elle vient quand même avec d'autres amis. Mais personne ne le savait en fait. Genre, bah, ni Yo. Non mais. Scénariste. Non mais ni Yolande, ni Johan et tout. Genre, c'est vraiment la surprise quoi. La meuf, elle débarque comme ça avec ses copines ouais, et bien, tout. C'est bien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Claire. Grosse pute. Claire, c'était bien. Mais on dit pas pute. Elle s'appelle grosse. C'est méchant pour les travailleurs du grosse... sexe. Travailleuse oui. du sexe en obésité. Elle s'appelle grosse connasse. Et... qui n'est pas une insulte, qui est une description. Ouais. Elle s'appelle Nadia. Ouais. Bon, ça va. Nadia. Nadia, ouais. Comme dans Titeuf. Oh, bah de okay, ouf. Vas-y. En plus, ça représente bien la grosse connasse et tout. Qui sait pas ce qu'elle quel veut. Culot. C'est vrai en plus. J'ai toujours détesté Nadia. Nadia, elle sait ce qu'elle veut, elle veut pas Titeuf. Ah, bah tu rigoles ou quoi? Et dès qu'il tombe amoureux d'une autre fille, elle est là en mode eh, Titeuf, grosse conne. J'ai pas tout. J'ai pas toute l'histoire. J'ai peut-être pas tout. J'ai pas écouté tous les ragots à la récré. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, premier soir. Ils arrivent tard, genre. Mais moi je pensais vraiment, vraiment tard, genre 23h quoi. Oh, c'est vraiment, vraiment tard! Eh! Hey. Non mais genre. Pour disruptif! Moi, je suis couché depuis 3h déjà à cette heure-là. Non mais quand je dis vraiment, vraiment tard, c'est un truc de. Ils peuvent pas sortir quoi ce soir-là. À 20, ouais. 23h tu peux pas sortir. Mais ils vont dormir quoi. Pire, non mais ils ont pas fini la journée sur la route! Si tu veux, ils arrivent à 1h du mat. Comme ça c'est bon. Okay. Oui! Et il a passé toute la sainte journée sur la route? Toute la sainte journée. Ouais, c'était ça la ref, merci. Et maintenant, tout de suite, la suite de l'émission. Oui, alors, bienvenue dans Intérieur Nuit, l'émission du podcast sur le scénario. Fallait voir sa tête, c'était très visuel aussi. Moi, je voyais surtout ta main coincée dans le paquet de chips. Peut-être arrêtons de manger. T'as mis une chips par terre. Les chips, oui. Pendant qu'on fait le podcast, c'est une proposition. Mathilde est saoulée. Les enfants. Oui, tu peux avoir de l'eau. Ok. Merci. Donc, premier soir, il se passe pas trop de trucs. Ils vont se coucher. Là, il y a juste l'embrouille. Il reste combien de temps du coup pour délimiter une spatio-temporalité? Là, on en est à 15 minutes quoi. Du film? Non, non, mais il reste combien de temps dans eux en vacances? Ah. Moi, je dirais 4 jours. Oh. C'est très court. 5 jours. 5 jours, c'est bien. Ok, on va pas chipoter. On a fait 5 jours pour pas besoin de capote. Ouais. Il reste quand même d'ailleurs, très peu en vacances. Le film hein. s'appellera Pas besoin de capote. Alors, bah c'est bon, on va partir sur. Alors, du coup, il dort. Toujours pas besoin de capote. On a le. Toujours pas besoin de capote. On a toujours. Bref, attends, j'allais répéter ce que vous allez dire. On rembobine. Du coup, premier jour, ils arrivent. Non, pas premier jour, mais genre. Bref. À 1h du matin. Ils arrivent à 1h du matin, ils sont crevés. Putain, il n'y a pas de lit simple, merde. Bon, voilà. Bah, Marie, tu te poses dans le canapé. En fait, moi, je vais ramener des gos, tu vois. D'accord. Ils font des décisions, genre, en mode. Je suis fatigué, on verra ça on plus verra tard. Ça et ils le verront jamais plus tard. C'est ça. Ouais. Donc, premier jour commence. Juste, le soleil se lève. Juste quand ils partent, ils se rendent compte qu'en fait, c'est deux lits simples collés. Et genre, oh mince, on aurait pu quand même éviter. Mais en fait, voilà. Ils sont cons quand même. Débile. Logan Paul, c'est toi. Moi, j'aurais peut-être dit quand ils partent, ils se rendent compte que le canapé est dépliable. Oh putain oui, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Ça c'est bien. C'est pas mal. Mais du coup, bon bref. Et du coup, on pouvait enlever les pics qu'il y avait dessus. Ah pardon. Et du coup, le premier jour, donc il se lève, et moi, comme je ne suis jamais, j'ai jamais fait les fêtes basques, je ne sais pas comment ça se passe. Moi non plus. Moi non plus. Énormément d'alcool. Tu les as fait ça? Je sais pas. Non, bah, aucun de mais nous. Ça commence, vous ça commence le soir. J'y suis allé une fois, mais. Ah bah voilà. Mais j'avais 8 ans. Non, mais j'avais 15 ans, j'étais avec mes parents, tu vois, c'était pas. Ça commence à quelle heure en vrai? Est-ce que c'est toute la journée ou. Ah, les férias, c'est pendant une semaine, non? Ouais, mais c'est toute la. C'est non, la, mais c'est, on c'est te parle de ça l'heure. Comment, ah, mais la soirée, en fait. Mais basque. Les férias, c'est juste. En fait, les soirs, c'est juste une excuse pour les gens de se retrouver. Hein. Ouais, mais après, la journée, c'est des spectacles, des trucs comme ça, non? Je crois que c'est vraiment des trucs où on balance des. D'avril des, à novembre, les taureaux, communes basques sont en fête et pendant la période estivale, les festivals se multiplient. Voici un agenda pour mieux s'y retrouver et s'organiser. Mais c'est vrai que déjà, dans la première fois que t'étais venu, t'étais déjà Wikipédia. Mais je ne sais vraiment qu'à ça. Non, tu... Ouais, si, tu en fait. Je rigole, Mathilde, t'es super. C'est totalement sincère. Alors, il y avait Gorillaz au Bébé Culave de Bilbao. Oui, il y a des chanteurs. Du coup, il y a des concerts. Il y a des concerts. Il y a des petits concerts. Il y a des sorties. Il y a des trucs genre activités. De village, des flash mobs. des sports. Il y a des flash mobs. Je sais pas, mais j'ai envie qu'il y en ait. Bon, donc en tout cas, la journée, c'est chiant pour quelqu'un qui a moins de 40 ans. En gros. Bah, tu vas à la plage et te dors. Ouais, la journée, c'est ça, genre ils bronzent. Eux, en fait, ils dorment la journée. Et c'est là où ils découvrent qu'il y a Alex. Genre, quand ils vont à la plage, tu sais, ils descendent et tout tranquillou avec leurs affaires. Elle est garde-côte. Mais non, elle est venue entre copines. Oh, ça va. Mais du coup, genre, c'est une bombe incroyable. C'est une vraie bombe, la meuf. Genre, vraiment. Il y a un ralenti avec la super musique sexy quand elle arrive. Ouais. Avec le filtre un peu rose. Ouais. Genre. Et un zoom sur les fesses. Ouais. On n'est pas obligé de zoom sur les fesses. Si. Elle occupe toute l'image de loin. En fait, elle est énorme. Bah, la meuf fait 4 mètres. Hein, donc, Non, mais ok, d'accord. Bah, du coup, il découvre qu'Alex et tout, la meuf trop bonne, trop belle, qui paraît en plus hyper gentille, quoi. Genre, la meuf parfaite. Attends, ils étaient ensemble il y a genre 6 mois, donc c'est... Et intelligente, parce que ça, c'est le cliché de la meuf qui peut être conne. Et du coup, c'est pour ça qu'il va coucher avec plein de meufs, pour la rendre jalouse. Il va draguer les meufs sur la plage. C'est pour retrouver... Parce que lui, du coup, son objectif, c'est retrouver son ex. De la récupérer. Et à la fin, il se rend compte qu'il ne doit pas. Quoi ? Pourquoi elle l'a quitté, du coup ? Parce qu'elle l'a trompé. Elle l'a trouvé mieux. Elle l'a trompé, c'est elle qui l'a quitté. Ou alors c'est lui qui l'a trompé. Mais non. Lui était fidèle et après il dit. Elle est méga bonne, elle est méga belle, elle pêche au qui elle veut en fait. Oui. Bah, donc ce serait lui mieux. Aussi, pourquoi il serait pas méga bon méga mais bon, il est méga bon. Parce que dans le film, on méga... dit. On parle pas de la vraie vie là, on parle du film. Non mais dans le film, c'était genre le couple. Je m'identifie vachement à ce personnage. Quelle erreur il aurait pu faire du coup ? La tromperie c'est trop simple, faut trouver une pire erreur. Bah, elle a tué son père, voilà. Ça c'est un motif de rupture. Elle est en mode. Un peu plus même. Elle est en mode, elle est en mode ouais, on n'a pas la même vision de la vie. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Oui, ou un truc nul comme ça. Voilà, ça, ouais. Des trucs de merde. C'est pas toi, c'est moi. Voilà, c'est ça. C'est hein, Laura. On est en train de passer full des messages perso dans ce podcast. Ouais, Martin, ouais. Je te hais. Du coup, qu'elle était, en fait, en gros, elle l'avait larguée en mode... ouais, comme une vieille chaussette. Voilà, vraiment, mais genre, de merde. On est plus sur la même longueur d'onde, c'est pas toi, c'est moi. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, histoire de merde. Et lui, tu sais, il avait été en mode, mais pourquoi? Et du coup, voilà. Après, il s'est dit, tension, je passe en mode enfuir les filles. Les affaires sont les affaires. Je passe en mode connard. Ah oui, attention les filles, je passe en mode attention, connard. Attention les demoiselles. Ça, c'est la référence d'un snap. C'est le meilleur l'un snap. Des meilleurs mêmes. Avec bisous, je m'envole. Ah oui. Je m'envole. Les affaires sont les affaires. Ouais, c'est les trois classiques. Voilà. Tout ça. Donc attends, il la voit, il ressent quoi ? De la jalousie. Ah, genre, il gueule dur. Il gueule dur. Son cœur, il explose quoi. Lui, il la voit, il freeze, tu vois, limite. Il freeze sur elle. Et il après, freeze. T'as. Bah, genre, il s'arrête comme ça. Ah, fait... pas comme freeze, ok, non. Quoi ? Mister Freeze. Il devient tout froid. Il devient un glaçon. 10 000 balles. Il devient un glaçon. Je peux continuer avec cette voix ? Est-ce que je peux continuer avec cette voix ? Il y a côté Marie, elle se sent moins belle et moins jolie. Et non, ouais. et après, genre. Non, mais elle s'en fout. Il y a Lolo. Non, elle a grave pas confiance. Quand tu vois quelqu'un de mieux que toi. T'es là, genre. Attends, tu coupais la parole la dernière fois, hein. Ça va. Non, mais en gros, genre, c'est comme un mec qui voit un mec beau gosse sur la plage. Genre, elle se remet tout le temps en question. Tu te regardes et tu te dis. Ah, quand même. Non, pas moi. Non, mais tu vois, genre. C'est une grosse. Comment dire un gros complexe, quoi. Oui, non, mais ok, d'accord. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, elle a le complexe à côté. T'as Yolanda qui la regarde, qui dit. Eh, non, mais Yolanda Yolande. Ah, Yolande, pardon. On remasterise le nom. Yolanda. Yolanda. Yohanna. Yohanna. Yohanna signifie famille. Bref. Alors... elle est partie loin, celle-là. Oh là là. Yohanna. Du coup, t'as Yolande qui lui fait. Ouais, t'inquiète. De toute façon, cette meuf, elle l'a quitté comme une grosse merde. Ouais. Elle le mérite pas. Elle est belle, mais elle le mérite pas. C'est ça. Ouais, c'est une grosse conne. On est d'accord, elle est plus belle que toi, mais. Bon, mais... on va pas se mentir. Mais toi, tu es gentille. On va se regarder les yeux dans les yeux, là. Bon, c'est pas. Bon, il y a du travail. Ouais, et du coup, tu sais, t'as Marie qui est en mode. Ouais, non, mais de toute façon, je m'en fiche, je l'aime pas. Je suis pas intéressée, je suis pas jalouse. Elle a une voix grésillante, insupportable. Ouais. Ouais, elle est vraiment jalouse. Hé, Joseph ! Non, elle est pas jalouse pour Joseph. Non, elle est pas jalouse du tout, c'est juste, elle complexe. Mais tu sais, elle est en mode. Oui, mais elle complexe, mais de toute façon, je m'en fous. Elle commence à. Elle trouve Joseph beau, tu vois, elle est là, genre, ah, peut-être. Mais justement, elle a pas envie de le trouver beau parce qu'elle se dit, il va me faire du mal. Oui, comme le précédent. Comme le précédent. Mais elle est vierge, elle a pas. Oui, mais. Non, mais non, c'est pas. On peut être ensemble et pas baiser. Elle est vierge. Elle est donc capricorne. Ah oui, elle est peut-être asexuelle. Non, mais peut-être que juste elle a couché une seule fois. Enfin, tu sais, avec un seul mec, c'était son ex. Elle était jeune au pire. Ils ont quel âge? Une fois avec un homme. Mais non, pas une fois, mais genre, elle a couché qu'avec un homme dans sa vie, quoi. C'est genre son ex et ça s'est mal fini. Elle a pas. Pourquoi pas une femme? En plus, qu'ils étaient longtemps. Depuis longtemps ensemble. Peut-être qu'elle est lesbienne et qu'en fait, elle est hétéro grâce à. Non, mais on dit que justement. Non, mais là, on part du principe qu'elle est hétéro. On est sur de l'hétéronormativité dans les films, ok? Les films où il y a des LGBTQ+, c'est des films excuse-moi, LGBTQ+. Histoire d'homosexualité. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de... Ah ouais? Oui. Ok. Oui, oui, histoire d'homosexualité dans les petits mouchoirs entre deux pères de famille. C'est pas très... Non, c'est pas très drôle. C'est pas marrant, non? Enfin, c'est fait de manière marrante dans le film, mais c'est donc faudrait prévenir les meufs avant. Bah, enfin, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ouais, chérie, je te quitte. Du coup, là, bref. C'est bon. Et non, mais il faut qu'il se passe quand même quelque chose. Et genre, parce que moi, mon idée, c'est genre, enfin, est-ce qu'ils vont la voir ou pas? Genre, mais non, il insulte de loin, tu sais. Mais Johan et Yolande, eux, ils cachent pas, tu vois. Ils sont un peu stupides et ils vont la voir. Les deux. Mais ils la connaissent, c'est leur ami. Oui, c'est leur pote à la base. Ah oui, genre, ils se disent pas, ah tiens, ça se fait pas, en mode. Ouais, voilà. Oh, bah ils ont deux neurones, hein, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont. Bah, à deux, ils en ont quatre, quand même. C'est... Non, à deux, ils en ont deux. Mais c'est partage, tu vois. Un neurone chaque. Oui, en mode, ouais, fois, salut, fois, comment ça va, Nadia? Des fois, ils se les prêtent, genre, je passe mon bac, tu peux passer un neurone? Pas mal. Voilà. On rappelle qu'ils ont 25 ans à ce moment-là. Bah, ils en ont perdu plein. Avant, ils en avaient 4. Ils ont passé quand même 8 ans au lycée, donc. Ouais. Du coup, ils vont voir Nadia. Ça fait passer le bac le long. Du coup, ils disent, ah, mais Nadia, qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps, on ne voit plus, dis donc. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Capte pas du tout. Raconte-nous tout. Pourquoi on ne voit plus? T'as un nouveau chéri, c'est ça? Et du coup, tu viens plus aux soirées. Et elle est avec un nouveau gars. Ouais. Un mec, mais le mec. On a déjà dit ça ou? Non, le mec, c'est. j'ai eu peur à un moment quand je dis ça. Le mec, c'est Musclor, genre vraiment. Oui, t'sais. Bah en fait, elle est maquée maintenant. C'est les deux, tu sais, les Instagrammeurs fit couple. Ouais, c'est ça. Qui sont beaucoup sur Instagram. Et son mec, il s'appelle Jorg. Genre comme ça, tu vois. Bjorg. Non, il s'appelle Thibaut In Shape. Thibaut In Shape qui sort avec une abonnée et qui a gagné un tirage. Les gars qui vendent des montres là sur Swatch. Non, non mais oui, ils vendent des trucs en dropshipping là. Ah, oui, attends, ça a été démenti, fais gaffe parce qu'elle a porté plainte contre des personnes qui l'ont accusée. Donc, si un jour elle tombe sur votre podcast, elle a porté plainte, mais elle a fait il y a pas longtemps une story où elle dit j'ai jamais porté plainte. Donc bon. Mais... Hein. Emma... Non, et après elle a refait une vidéo en disant oui, j'ai porté plainte, mais. Emma Mugcake, c'est ça? Non, mais c'était en fait, fallait pas dire son nom, c'était ça le truc. Ah non, mais on parle des. Pas rien à battre. J'en ai rien à foutre. Ok, tu comprends. On appelle un chat un bon, chat. Bref, du coup, style ce couple-là, tu vois. Donc, du coup, c'est Nadia et Jorg, tu vois. Genre, vraiment, le mec. Genre, c'est rageant de les voir ensemble. Il est baraque, il est grave beau et tout. Enfin, tu vois, genre, le mec, on le voit quand. La première fois qu'on le voit, tu sais, parce que. Attends, je le vois dans ma tête. Attends, et du coup, j'ai trop bonne idée. En gros, du coup, t'as Yolande et l'autre là, et Johan qui s'appellent. Et l'autre. Ah, mais t'as un nouveau mec et tout. Alors que t'as Joseph à côté, quoi. Mais ils sont en mode. Et non, attends, et. Théophile a un fantasme à partager peut-être. Attends, je qu'on parle de Jorg, il a un petit accent là. Attends, mais c'est trop bonne idée. Et genre au moment, elle dit ouais, c'est mon mec et tout. Bah il est là en ce moment. Bah regardez, il est là. Et là tu vois Jorg arriver en courant, ralenti sur la plage. Lui c'est un. Les gens qui surveillent la plage. Oui. Oui, c'est un. Mais arrête avec ton fantasme. Pardon. Assume-le, dis-le, et comme ça on passe à autre chose. Je fantasme sur Jorg actuellement. Jorg. Ah oui, il parle comme ça. Il est vegan. Bonjour. Bonjour Nadia. Oui, parce que c'est énervant. C'est énervant quelqu'un qui moralement est mieux que toi et en plus c'est beau. Ah oui. Il est vegan suédois. Ouais. Ouais. Et putain. il travaille dans une ONG. Il travaille à la SPA. Ah oui. C'est bon, on a trouvé ton mec. Il est éducateur d'animaux. À ses temps perdus, il nettoie la plage. Mais ouais. Bénévolement. Non, tu sais, il est éducateur de chiens. Il a sauvé une baleine tout seul. Qui n'était pas en danger. Non, en fait, il y avait un requin. Il a fait un massage. Il y avait un requin qui attaquait une baleine et bam, il a défoncé le requin. Oui. En apnée. Un génie. Jorg. Bah, c'est Jorg. En Russie, il a fait ça en plus. Ouais. Parce qu'il est russe à la base. Bah, il fait moins de suédois. Il est suédois. Il est suédois. Non, il est russe. Non, t'écoutes vraiment pas ce qu'on dit. Ouais, c'est son fantasme. C'est lui qui décide. Mais Jorg, ça fait plus suédois que russe. Ça fait pas russe. Ok, il est Jorg. Il est suédois. Ok. En Suède, alors. Mais sa mère, elle peut être russe, si tu veux. En Scandinavie, quoi. Ouais, oui, dans le bordel. Chier, voilà. Dans le cercle polaire arctique, voilà. Si tu veux des coordonnées, peut-être. 12, 27. Non, c'est pas ça. Ouais, donc Jorg, hyper le mec parfait, quoi. Ouais. C'est vraiment le couple parfait. Genre, ouais. Tu t'évanouis quand tu les vois tellement ils sont ouais. beaux et genre, ils te foutent le seum instantanément. Ah, oui. Totalement. Mais du coup, attends, du coup, ils vont leur parler ? Enfin, lui parler à elle ? Ouais. Bah, c'est gênant. Ouais, ouais, ouais. Ils vont lui parler, présentes pas. Ils ont dit, elle dit, tu nous présentes pas ? Bah non. Voilà, c'est violent pour aucune raison. Ouais. Mais du coup, et du coup, le challenge pour Joseph, ça va être de d'impressionner. Il se met à la muscu. D'impressionner Nadia. Pour que, enfin, faut que ses conquêtes, elles soient du niveau de Jorg, quoi. Ouais. Parce que là, Jorg, dans mon esprit, là, c'est difficile de faire du niveau de Jorg. Il va essayer de pécho Jorg. Oh, ça, c'est ouf! Non! Mais non, parce qu'on a dit qu'on restait dans le truc hétéro, sinon ça part totalement. Non, non! En cacahuète. Non, ça peut. Il est vraiment en fantasme. Je veux Ken Jorg! Non, mais ce serait trop marrant. Mais un truc genre. Genre, mais là, ce serait plus genre comédie un peu type les crevettes pailletées ou oui. des trucs comme ça, tu vois. Genre un truc, ça peut le faire de ouf en restant. Non, mais juste une scène comme ça, pas l'entièreté du film. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi, genre, juste c'est pas Jorg qui se fait draguer par un mec et pourquoi Joseph. Mais Jorg, là, comme vous me l'avez décrit, je le vois trop genre bi. Parce qu'il est. Bah le oui, mec il est parfait. Minded, il est vegan, il peut genre, tout oui, ken. Il ken tout. Il est pansexuel. Voilà, il est pansexuel et. Ouais. Ou alors il va. Bah ouais, c'est déjà bien. Non, non, et du coup, et je me disais, et c'est lui qui va draguer à un moment Joseph. Oh. Et genre, Joseph, il le. Et après, ils se il mettent ensemble surpris. À la fin. Non. Mais du coup, mais Marie. Non, bah non parce que lui, il est totalement pire, hétéro, juste, Joseph. Au pire, juste, ah. Jorg, il a, tu sais, il a des. Il est pas du tout complexé. C'est donc, son secret il caché. Peut, il peut. Mais non. Si. Attends. Si mais en fait, tu sais, il a des. Comment on appelle ça ? Il a des manières, tu sais, il a des. Parfois il agit un peu bizarrement tu sais avec les mecs mais genre du coup avec ah, oui, main au cul. T'sais, il lui dit par exemple il lui dit non. Non mais tu sais il le touche il fait waouh tu es très musclé et tout alors que pour désolé, lui désolé j'apprends le français c'est ça fait seulement et deux semaines que je parle. Il y a Joseph qui est, genre Joseph il est en mode merci tu peux arrêter de me toucher tu vois alors que Jorg il fait pourquoi tu n'aimes pas quand je te touche le torse. Non, ou alors j'ai pas dit ça je dis juste que non mais genre il a un petit mal de dos et Jorg en fait tu vois il s'assied sur lui de dos genre oui il le masse et tout et genre Joseph il est un peu mal à l'aise et tout et après il a dit ça j'ai fait ça à une baleine elle s'est complètement détendue alors sur toi ça devrait passer crème t'es un petit elle a gagné 100 ans d'espérance de vie t'es ma petite baleine à bosse et genre non mais Jorg tu vois il a un secret parce que il faut que ce soit parce qu'il est hyper mystérieux et son secret c'est qu'en fait il est gay. Non, il est con. Non, il est pan. Genre, il est pan. Non, l'eau, c'est con. Non, il est gay. Mais pourquoi tu. Mais tu arrêtes. Mais je croyais qu'on partait dans les. Range de fou. Théophile s'énerve. On est quatre écrits. Pourquoi c'est pas dans les clichés du style où, genre, juste en fait, il est pas du tout. Mais on complexé. Est open-minded. Il est pas complexé, tu sais. Mais il est homophobe. Non, mais les mecs. Ils... Bah non. Okay. Non, mais Joseph est homophobe. Les mecs entre eux, ils sont. Ils Enfin, quand t'es hétéro, vraiment hétéro, t'es pas tactile. Mais je pense que même si t'es homosexuel ou hétéro, je sais pas, t'es pas trop tactile avec tes potes, tu vois. Alors que les meufs, elles s'en foutent. Ça dépend de et lui, Jorg. Lui, Jorg, on va dire, dans mon pays, bah tout le monde se touche comme il en veut. Suède. Ensuite, ça y va. Non, ou alors, c'est un Esquimau à la base. Mais quoi. Mais au pire, c'est pour dire bonjour, on se touche. Au pire, à la base, c'est un agent double en fait. Il est là, il devait juste aller parce que c'était dans sa mission. Et à la fin, il la quitte. Elle se retrouve seule. Elle a re-envie de c'est un épisode des Total Espace. On délire. Et Joseph, il dit non, Nick, je suis avec Marie maintenant, tu vois. Non, mais parce que, genre, bon, bref, je trouvais que c'était une bonne idée et une bonne excuse sur le fait qu'il pécho Joseph et que. Enfin, qu'il essaye de pécho Joseph et que, en fait, c'est pour ça. Enfin, il en a rien à foutre de Nadia. Mais c'est la. Attends, Nadia, c'est un peu genre. La seule raison pour laquelle Nadia finit pas avec Jorg, c'est qu'il est gay, en fait. Parce que sinon, voilà. C'est le mec parfait, elle bah peut oui. pas ne pas et y elle l'a pris pour son image, du coup. Ouais. En mode, ouais, moi j'ai un mec vegan. Oui, et en fait, mais, voilà, moi, c'est mais moi, je pense pas que ce soit un secret. C'est genre, en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il est trop efféminé. Mais genre, il l'a jamais ça, c'est caché, homophobe. Tu vois. Et en fait, ils sont pas vraiment ensemble, genre. C'est un peu non, mais c'est le un personnage... truc un peu chelou. Ah oui, non, genre, pas nous. Ou genre, enfin, ils sont ensemble, tu vois, mais c'est pas vraiment genre. Jorg, il est un peu. Que quand genre, ils sont que c'est un couple eux deux. D'images, tu vois, genre, t'es là, genre. Ouais, c'est que deux. Et tu sais, elle essaye de coucher avec lui, en mode. pas ouais, maintenant. Il s'en fout un peu, tu vois. Il en a un peu rien à foutre. Et elle, elle est malheureuse. Ouais, et tout. Il est hyper à fond sur lui-même. Elle est malheureuse. Son corps et tout. Ah, il est amoureux de lui-même en fait avant les autres. C'est pour ça qu'elle le quitte. En fait, il s'aime. Non, juste il s'aime. Elle le quitte pas. Il est autosexuel. Bah alors à la fin il la quitte parce qu'il se baise seul. À la fin, tu sais, la meuf du coup elle sait qu'elle est parfaite et tout, et à la fin il la quitte parce qu'en fait pour lui elle n'est pas assez parfaite. Non, en fait lui, elle, à la fin, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur Yorg. Oui, je pense aussi. Je crois que c'était pas elle qui le quittait. Si, en fait finalement si. Mais elle le quitte pas. À la fin elle le quitte parce qu'il a dragué Joseph et Joseph lui dit. Et ton mec il m'a dragué. Bah ouais. Bah je vais me mettre avec toi du coup. Logique. Non, mais à la fin ils se mettent pas ensemble, Nadia et Joseph, parce que oui, elle se met avec Marie. Il se met avec Marie. C'est très alambiqué, ils se mettent pas ensemble. Et on reprend. Et au final ils on se reprend sur autre chose que Yorg. Donc non, ils sont voilà, à la plage, Yorg, ils bronzent. Yorg c'est fini. Yorg c'est genre voilà. New York. On va jamais y arriver là parce que on est qu'au premier jour et que non, le non, non, matin. Attends, non non, là c'est pas le premier jour. Et il est 22h09. Est-ce qu'on fait vraiment une chronologie? Parce que moi, je compte pas faire de chronologie. Ok, bah du coup, pas de chronologie. Donc, du coup, il y a tout ça qui s'est passé. Des événements. Voilà, il y a ça qui se passe. Et, genre, par exemple, tu vois, le moment où Yorg, il essaye de draguer Joseph, c'est à peu près au milieu, tu vois. Ok. Et après, Joseph, il essaye de revenir vers Nadia, mais elle veut pas. À côté, il baisse plein de meufs. À côté, évidemment, il baisse plein de meufs en essayant de la rendre jalouse, du coup, parce qu'elle, elle est plus avec, du coup, Yorg, parce que. Elle le vit mal, et lui, il essaie de revenir, mais elle veut pas de lui, parce que, genre, juste, c'est fini, enfin, elle l'aime pas, quoi. Et du coup, au final, c'est pour ça qu'il va vers Marie. C'est horrible, finalement, un dernier choix. Marie le faire valoir, quoi. Non, mais il s'aperçoit qu'en fait, Marie, bah, c'est la plus honnête de toutes, oui. Et elle le trahira pas. En fait, c'est ça. Et Yolande et Johan. Eux, ils sont heureux. Parce que pendant tout le truc, il y a genre une espèce d'amitié qui se lie entre Marie et Joseph. Oui. Et genre. Mais un ils peu vont un sacrifier truc, leur amitié. Un truc un peu qui vient de nulle part. Et en fait, parce que Yolande et Johan, ils sont toujours ensemble. Parce que c'est un couple. Et du coup, eux deux, ils sont toujours ensemble. Et du coup, ça va être de l'intimité qui va se créer. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Amour, gloire et beauté, mais vers son plage. Amour, ouais, bah c'est ça. Des mots qui font rire. C'est pas du tout une comédie de bande de potes, c'est vraiment un truc de... Bah c'est Théophile et son fantasme sur Yorg. Bah c'est ça, c'est tellement ça. Bah, l'épisode va s'appeler Intérieur Nuit épisode 9, Yorg. Bah oh. Écoutez. Moi ça me va. Non mais il faut quand même qu'on parle de Marie et de ce qui arrive au couple quand même. Parce que Joseph, on a son arc narratif. Ouais. Mais Yolande et Johan, du coup, ils restent tout le temps ensemble ou il se passe des... Bah, en fait, bah ils sont non, un ils peu sont des mauvais amis. Quand même. Non, mais... Alors, attention, on n'est pas dans le jugement, mais... non, mais en gros, c'est pas des mauvais amis, tu vois, mais ils sont très souvent ensemble. Et des fois, même quand ils sont quatre, ils incluent pas forcément les deux autres... Après, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, du coup, ils sont pas forcément encore... Oui, mais il y a certains couples qui sont comme ça. Et c'est pas bien ou mal, mais pour certains qui sont extérieurs au couple, c'est un peu compliqué, tu vois, de s'intégrer à la conversation parce qu'ils ont tellement de choses en commun, de points communs, de private jokes, genre haha yo-yo, que bon. Non, mais ils se disent le mot yo-yo 50 fois d'affilée, donc c'est mais leur non, délire, tu vois. En vrai, là, on a l'histoire de Joseph et Marie. Et du coup, maintenant, il bah Marie, plus on n'a que... pas trop l'histoire de Marie. Mais faudrait qu'elle, genre, qu'elle se Joseph développe pendant Marie, le séjour. Tu vois, genre, elle se découvre des qualités. Elle est là, genre, oh, je veux avoir confiance en moi, mais il faut des événements déclencheurs. On fait perso par perso, quoi. Du vas-y, coup, alors. Donc là, on a Joseph, on a full Joseph là. On a Joseph, c'est fini là. J'y Joseph. Marie, elle peut avoir une. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer avec elle? Marie, son but, c'est juste d'oublier ce qui s'est passé. D'oublier son mec. Et pas forcément chercher d'autres mecs, mais juste passer un bon moment. Oui, elle en a marre des mecs. Yolande, voilà. Elle lui a promis de passer un 5 jours de ouf, qu'il y aura fait, plein de fêtes, et le truc, etc. Et le truc, c'est que t'as Joseph qui pense qu'à ça, qui pense qu'à récupérer son ex au début, puis bref, voilà. Et du coup, et après, t'as Johan et Yolande qui sont tout le temps ensemble et tout, et qui s'embrassent devant elle et tout. Genre, et elle le prend, enfin, genre, elle le vit un peu mal. Bah c'est malaisant, quoi. Elle se sent un peu seule, quoi. Voilà, et elle se sent un peu seule. Elle a raison, elle est seule, on est tous seuls, on va tous mourir. Je te laisse reprendre. Maintenant, je vais pleurer déjà et après je reprends. On fait un petit cut, on revient, on fait un interlude pleurs. Voilà, j'espère que. C'est Durandal à la fin de la vidéo sur Lucie. Il sort. Peu de gens auront la référence. Voilà. Bref, et donc, bah après, je suis pas tout seul à écrire. Hein. Bah non mais vas-y, non mais t'étais en train de parler. Tu lançais là. Non mais j'ai pas de pleurer là. On parlait de Marie. Marie qui est censée prendre confiance en elle. Ouais. Non, alors, genre un peu, moi, ce que moi, je trouve compliqué, c'est comment elle va prendre confiance en elle, vu qu'elle a les complexes et qu'elle passe les journées avec Nadia en visu. Mais il faut des éléments déclencheurs. Il faut qu'elle se fasse une journée toute seule. Une journée shopping. Non, pas shopping. Elle se ravale la façade. Oui, genre, tu sais, elle se fait un relooking. Yolande, elle lui paye un relooking. Elle se fait un Pretty Woman, en fait. Genre, non, genre les reines du shopping. Pretty Woman. Oui, mais comme dans Pretty Woman, quoi. J'ai pas vu. Walking t'as pas vu Pretty Woman? Non. Bah, c'est un... non, mais Woman. Pretty Woman, excuse-moi, c'est un peu un sugar daddy, le film. Hein. C'est pas un. Bah, c'est littéralement une prostituée, la meuf. Bah, oui, c'est ce que voilà, je dis. Mais... Une sugar baby. Non, c'est une prostituée. D'accord. C'est son métier, vraiment. C'est vraiment une prostituée dans le film. Et... Protéger les travailleuses du sexe. Donnez-leur de l'amour. Ah bah t'inquiète pas qu'elle en a eu dans le film. Hein. Oui, elle a eu beaucoup d'amour. Énormément d'amour. 3000 amours par nuit. Ouais, par je nuit, pense. Hein, ouais, c'est ça. Oh. Et voilà. Non mais du coup, ouais, elle se prend confiance en soi. En soi par, en elle. Par du mat... Enfin, comment dire. Par quelque chose de matériel, quoi. Par des vêtements, etc. Tout. Mais en fait, elle prend confiance en elle. Et après, elle se rend compte qu'elle en a pas besoin. Et qu'elle s'aime comme elle est au naturel. Ouais, genre en mode, elle, au début ça lui plaît, et puis au bout de genre 10 minutes dans cette peau-là. 10 minutes c'est comme non, mais tu vois, mais de 10 minutes de film. Tu sais, à ouais. La fin, quand la meuf elle se fait relooker oui. De ouf, et en fait elle se dit, mais en fait non. Genre, non, elle couche avec. Avec, oui, avec l'animateur, le fuckboy, ouais. Finalement, elle est contente après. Bah, dans elle est déçue, genre. Ouais, c'est genre elle fait sa première fois avec un homme qui est un fuckboy, elle lui dit que c'était moyennement bien. Et lui, il est grave. Son ego est tellement blessé qu'à la fin, il ne fait plus tout de colo. Il prend une année sabbatique pour prendre soin de lui. Vraiment. C'est un peu drôle. Mais non, mais elle, justement, elle s'est fait relooker de ouf. Ok, ça lui fait du bien, mais à la fin, elle se rend compte que bah, c'est pas en couchant avec le beau gosse de la colo qu'elle va. Qui baise mal. Voilà, qui apparemment baise mal en plus. Comme beaucoup d'hommes. Oui. Et non, mais. Enfin, bref. Mais du coup, ouais. Bah, c'est à la fin, elle finit avec le personnage principal qui était. Je pense qu'au bout de 10 minutes de film où elle se fait. Alors. Attention, c'est pas un jugement, mais elle se fait méga bonne. Ouais. En mode, elle se maquille énormément, elle se met une robe qui la met hyper en avantage. Non, pour une soirée, davantage. Tu sais, genre pour une soirée bal ou un truc comme oui, ça. Oui, d'accord, mais après, elle continue à s'habiller plutôt bien, etc. Et au bout de 10 minutes de film, on va dire, elle se dit, mais en fait, genre, c'est pas moi ça. J'ai pas besoin de ça pour m'aimer. Et à côté, elle devient super plus. Pote avec Joseph. Ouais. Joseph, il lui dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça là? Ouais, t'es genre, pas comme ça, genre t'es qui en fait? Et je te reconnais plus. Non mais pas en mode t'es qui, genre t'es qui pour parler comme ça, genre. Non mais t'es qui en mode bah t'es pas la Marie que je connais d'habitude. Mais tu la connais pas. On ne se connaît que depuis 15 jours, mais. Oui, mais ils se sont déjà vus un petit peu, genre ils se sont pas. Ouais, pas non, pas, mais ouais, ouais. Par exemple, oh il y a une soirée, ils passent. Il y a des soirées. Ils se mettent sur la plage et puis ils parlent toute la nuit ensemble, genre vraiment. Ouais, mais de ouf. De tout et de rien. Elle lui dit oui, je me sens pas bien dans ma peau. Parce que moment trop gênant et tout. Et ils rentrent, enfin genre ils sont à l'appart et là ils entendent Yolande et Johan baiser fond. Oh oui, on va sur la plage. C'était vraiment horrible ouais, comme imitation. Mais on va encore. Par contre, du coup, on oublie totalement. On est d'accord, les histoires de Feria. Hein. Oui. Ah oui, vraiment. Non mais c'est juste Pierre et vacances. Hein, c'est... Oui, bon, ça va, ils sont payés un petit bon, séjour. Bon, on va dire entre les deux, ils sont complètement bourrés parce qu'ils vont boire. Voilà, il y a une scène où ils se bourrent la gueule. C'est niqué. Allez hop. Bah c'est la scène où Yolande. Yolande, elle est assez proche d'un mec. Du coup. Mais c'est la scène. Est-ce que vous avez vu le film La Vague? Oui, oui. Bah, il y a un moment ça où ça n'a rien sont... à voir. Mais attention, c'est sur les surfeurs. Il y a une scène en été. Non, les nazis. Il y a une scène où ils sont sur la plage. Il y a deux personnes qui se rapprochent énormément et qui s'isolent petit à petit du reste. Et moi, c'est ça comme image que j'ai. Genre, il y a un feu sur la plage, un feu de camp. Il y a un BG dire. Qui fait de la guitare. Oui, voilà, un mec qui énerve tout le monde. Hein, je suis désolé. Car il est très doué si à la vous guitare. Vous êtes BG, ouais. Vous faites de la guitare. Vous énervez tout le monde. Mais vous êtes bon bah tant mieux pour vous. Vous énervez tous ceux qui sont pas bégés, qui savent pas jouer de guitare en fait. Genre vous nous énervez tout le monde. Vous êtes très bon. Mais comme dans Nos Jours Heureux, il y a un gamin de 10 ans parce qui joue mieux de la guitare que parce que nous on peut pas aller sur la plage mettre des micros et faire un podcast. Tu vois, c'est notre talent fait, c'est pas jouer de la guitare. C'est ça. Surtout si on en fait, enfin on sera pas très. Tu sais, c'est comme il y a certaines professions, tu peux pas te la péter, tu vois. Ouais, genre, il faut ça, tu veux te la péter. T'es informaticien, le mec il te code des trucs de ouf, mais à la plage ça sert à rien. Je suis désolé. Le gars qui ramène son ordi, il fait attention, je vais hacker le Pentagone. Hop là, des photos de George Bush. Vas-y Google. Gros cliché parce que j'ai zozoté. C'est horrible. Ouais, de ouf. Mais oui, c'est un peu l'image que j'avais. C'est. Ok. Ils sont sur la plage et tout. Au début, ils sont avec Nadia, Jorg, Yolande et Johan, et petit à petit ils parlent, ils commencent à aborder un sujet de discussion. Dans le montage on voit pas trop ce que c'est, genre c'est des jump cuts de plus en plus, enfin tu vois, les sujets de discussion ils ont pas beaucoup de rapport. Il y a la musique en fond, c'est pour ça. Ouais, voilà, et merci Mathilde de m'aider. De rien. Et après ils s'isolent un petit peu, ils se rendent pas compte que les autres sont allés voir d'autres potes qui connaissent, enfin d'autres gens qui connaissent pas encore. Ils sont pas compte qu'ils s'isolent, ouais. Parce qu'ils sont dans leur bulle. Et après ils finissent leur discussion en mode je sais pas, un peu gêné parce que c'est, ils ont plus rien à dire. Et bah faut y aller. Et ils regardent l'heure et ils disent oh, putain, il est déjà 3h, et ça fait une heure qu'ils sont partis les autres. Il y a encore le feu juste, et ils sont tous les deux avec le feu, voilà. Et après ils réalisent qu'en fait pourquoi courir après les hommes, après les femmes, après n'importe quoi, après les gens, tout ce qui quand est finalement humain. Tu peux avoir des longues discussions avec quelqu'un autour d'un feu jusqu'à 3h du matin. Bon, après ils se déshabillent, Iken, bon, c'est pas donné voilà. Non, je rigole, oh là là, un petit peu quand même, au moins un peu, elle est pudique. Non, tu genre ils font un bisou, elle est pudique. Jamais le premier soir. Oui, c'est vrai, c'est pas le premier soir. Bref, jamais sur la plage. Revenons à Yolande et Johan avec les grandes salles partout. Yolande et Yo-Yo, parce qu'on avait dit qu'on avait fini quand même avec ces deux zigotos là, les Yo-Yo. Bah les yo-yo, mais eux j'ai envie qu'ils restent ensemble. Bah ils restent ensemble. Moi j'ai envie qu'ils restent ensemble. Mais il y a un moment, il y a un moment où ils se séparent et au final ils se remettent ensemble. Et même après il est parce qu'on dit en 5 jours tension dans la villa. Non, en 5 à jours. À la fin il la demande en fiançailles. Non mais genre à la toute fin ils se remettent ensemble, tu vois. Genre à la moitié, genre il se passe un peu comme dans l'épisode 4 finalement. Ouais, il y a un gros clash, tu vois. Ouais, il y a un gros clash. Ce putain de mec qui joue du Diabolo encore, là. Il est revenu. Ouais, c'est ouf. Il était en train de faire du yo-yo sur la plage, et il y a un gars qui arrive avec une guitare. Et genre. Il est là. Bah oui, évidemment, je peux pas rivaliser. Forcément. Et du coup, il essaie de faire de la guitare avec son yo-yo. Ding, ding. Mais ça fait que une note. Do. Oh bah. C'est de l'absurde, hein. Ouais, bah, ouais. Tout à coup, le film devient absurde. Non, mais il y a pas beaucoup d'humour pour l'instant dans ce film. Non, mais c'est pas, il y a pas beaucoup. En mais fait, c'est l'humour, c'est dans les. Tu vois, c'est ouais, c'est plus comédie dramatique. Après, non, mais comédie, dialogue, comédie, comédie romantique. Hein. Ouais. Comédie, c'est le terme qu'on applique au film léger, en fait. Hein, ouais, c'est oui, ça, c'est un film léger. Comédie, c'est pas forcément fait pour. Bref, et du coup, qu'est-ce qui se passe avec Loyande? Loyande et Lolo. C'est un nom de voiture. Yolande et Johan, moi je les vois bien, ils sont en train de boire un verre. fais donc plus de bruit quand tu t'emmerdes. Louis, t'as fatigué, un truc là. Pour se couper les. non, bon, pas... je reprends. Ouais, et du coup, ils sont en train de boire un verre, etc. Et il y a un croisement de regards, yeux dans les yeux, entre Yolande et un mec. Ouais. Au fond du bar, genre. Comme dans Grease. Comme dans plein de films. Ouais. C'est vraiment juste deux personnes qui se regardent. C'est un mec vraiment, c'est un mec vraiment pas ouf en plus. Ouais, genre nous. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Personne n'a contredit cette scène. Ouais, j'ai vraiment dit ouais, voilà. Ça fait un peu mal. Et du coup. Comme moi, si tu veux. Non, mais c'est. Ouais, voilà, ouais. Je rigole. Ouais, oui, non, mais ok, un mec pas ouf. Enfin, ils sont moins beaux que. Oui, il est banal. C'est très compliqué d'être plus beau que Yorg en même temps. Donc, Non, que Yohan. Ah, bah aussi. Yohan, il est pas ouf. Hein. Ouais, Yohan, il est. Il baissait normal, pas quoi. Avant de voir Yo-Yo. Et à ce moment-là, quand il la regarde, du coup, elle gobe un truc. Ah, et du coup, il vient lui parler. Genre, parce qu'elle est en train de manger des petits saucissons. Et elle fait. Des petits saucissons. Très très phallique. Le bruit était ouf. Merci. Je vais le sampler. Et en faire un tube de l'été. En seulement 3 jours. Un concept inédit. Non. Inédit. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Et du coup, ouais, il vient la draguer et tout. Et ouais. Juste, elle comprend pas qu'elle se fait draguer, tu vois. Parce que, ouais, de ouf. Bah, elle est en couple depuis 5 ans. Un neurone également. Également. C'est vrai. Et du coup, elle se fait draguer un peu. Oui. Et. Non, continue, d'accord. Continue. Non, t'inquiète. Elle se fait draguer c'est un pas... peu. Oui. Et. Oui. Oui. Fais donc plus de bruit. Quand tu ne suis pas ce qui se passe. Continue, et oui. Que tu rigoles par rapport à un truc sur ton téléphone. Non, en fait, j'ai baillé et du coup, j'ai failli faire. Et je m'en suis empêchée. Bref, ça m'a fait rire. Ok. Non, mais ça fait toujours du bien, en tout cas, d'être rabaissé physiquement, de dire qu'on n'est pas intéressant. Bon, c'est le podcast. Tu sais quelle heure il est, Antoine ? On est entre bandes de potes. Hein, il est 22h22. Faites un vœu. Non. Et voilà. Bah, c'est bientôt fini, de toute façon, le film. Quelqu'un me dit qu'il te connaît dans mes followers Instagram. On verra ça après. Bref. Les fans, c'est pour plus tard. ouais, et du coup, elle se fait draguer, mais elle s'en rend pas compte. Ouais. Et au moment où il s'approche d'elle. Au moment où il s'approche. Putain, j'ai fait un bruit, moi. Ah non, non, non. Au moment où il s'approche d'elle. Bah, du coup, il l'avait emmenée dans un petit coin. Non, mais vas-y, fais plus de bruit quand tu m'écoutes pas. Ah là là, elle a retourné le game. Les tensions se créent dans la villa. Et au moment où elle a fait coup, le break. Au moment où il s'approche d'elle, du coup, pour l'embrasser, elle est en mode. Mais gros, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle se laisse faire quand même, elle a envie. Non, mais non, parce qu'il y a Yoann qui passe. Tu sais, Yoann, il était juste parti pisser, tu vois. Yoann, il passe et tout. Non, Yoann, il est complètement bourré et il la saoule. D'alcool. Il la saoule. Non, ah, il l'a fait chier, mais oui. Allez, bois. Figure-toi. Il est trop relou. Et genre, elle, ça la saoule. Et du coup, quand il y a ce mec qui va arriver, elle va un peu genre. Elle va, ouais. Ça va être une respiration quoi dans cette soirée. Elle va nulle. Tchatcher. Et puis ça elle fait 6 ans qu'elle a pas séduit non plus. Non, oui, mais ouais, ok, pour certes, certes ouais. Mais elle veut pas le pécho, tu vois. Et au moment où le mec il s'approche d'elle, eh bah, genre, elle est en mode non, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Et t'as Yoann qui passe, tu vois. Et du coup, il voit le mec qui est en train de se pencher vers sa meuf. Et là, il a une rage qui monte et tout. Et quand il commence à sortir son yo-yo, il dit je vais t'étrangler. Et il l'étrangle. Cours, grand bâtard. Et là, elle s'énerve du coup, tu vois, parce qu'en mode mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il utilise son yo-yo comme un lasso. Et après, il fait ah ouais, tu prends sa défense. Ouais, c'est ça, genre, tu sais combien de temps on est ensemble, tu le connais que depuis une heure. Depuis 6 ans, 3 semaines, 2 jours. Et 80 minutes. Mais du coup genre c'est 1h20. C'était bref. Et du coup genre il est là avec son yo-yo et tout. Et elle est en mode mais laisse-le tranquille, il n'a rien fait, blablabla et tout. Il a explosion, il commence. C'est comme ça pétasse. Le yo-yo de sa bouche. Il commence à se reprocher les trucs qu'il ne sait jamais. Et là il y a Yorg. Il y a Yorg qui vient me sauver. Oui. Il vient sauver. Ben oui. Ne touche pas avec ce yo-yo. Il a perdu son accent. Je suis endormi. En deux jours, il a perdu son accent. Parce qu'il est très fort. Il est super fort, ce gars. Le mec peut faire tous les accents du monde. Je l'adore. Et du coup, il dit pas de violence, ça ne résout rien. Le mec fait 2m10. Il est italien maintenant. Oui. Non, c'est comme ça. Pas de violence, ça ne résout rien. Tu viens dans ma maison. Et du coup là, gros froid entre eux. En fait, ils se disent des mots durs, tu vois, des mots que tu oublies pas. Ils se reparlent pratiquement plus. Elle fait chambre à part. Lui, il va dormir avec Joseph, du coup, dans le même lit. Comment il fait pour qu'elle reste dans le lit? Mais il kenne pas une nuit. Ce soir-là, il kenne pas. Mais oui, mais. Parce qu'elle était avec Marie, du coup, il veut pas qu'elle. Ou alors, il met un matelas par terre. Ouais. C'est vraiment mystique quand même. Il met un matelas par terre avec Marie. Ouais. Dans le salon. Non mais genre. Parce que Joseph il baise. Elle est sur le canapé. Mais non mais Joseph il vient de parler avec Marie toute la soirée. Il a pas envie de baiser. Mais non mais juste une fois, il baise pas, c'est tout. Ok. Il dit bah. Il tombe amoureux de Marie. Attends, il faut chambre à part. Mais les autres soirs, il faut comment. Mais on dit que c'est ça, c'est vers la fin. C'est l'avant-dernier soir. Ok. C'est l'avant-dernier soir. Au pire, Joseph il ira coucher chez les meufs. 1h25 de film. Ouais. Ouais. Maintenant 2h parce qu'il dure 2h30. Je rappelle. Et du coup bah voilà. Et en fait ils arrivent à se réconcilier à la fin par je ne sais quel biais. C'est à nous de juste. C'est à nous de le dire hein. Mais en fait je suis en train de chercher. En fait le truc qui serait trop cool c'est que genre ce soit Joseph et Marie qui les réconcilient. Joseph c'est le conseiller de Joseph c'est le conseiller un peu de Yolande. Partout. Joseph c'est le conseiller de Yolande un peu. Et Marie c'est la conseillère de Yoann et ils essayent un peu de les remettre ensemble parce qu'ils savent et à un moment ils leur font un coup monté les deux en fait les deux parce que Marie et Joseph ils se parlent entre eux et du coup ils savent que les deux en fait ils sont encore amoureux etc et du coup ils essayent bon allez ils leur font un coup monté. Ils se retrouvent tous les deux sur la plage avec une petite table installée, bougies et tout nanan fait par Joseph et Marie tu vois ouais. Et là du coup ils se parlent, ils se font un câlin, ils kennent sur la plage. Ce qui serait marrant c'est c'est la scène de fin Ken sur un coucher de soleil et après, avec travelling arrière et... ouais. Mais non, mais ils vont la demander en mariage. mariage. Mais ils font un mariage avant et après ils viennent. Non. Oui. Oui, pendant. C'est dans la nuit de noces. Pendant. Bah non, et un peu, attends, un peu plus loin, il y a Joseph et Marie qui kennent aussi sur la plage. Ils kennent tous. Mais un petit peu plus sur la plage abandonnée. Bah, c'est au Cap d'Agde. C'est au Cap d'Agde. Mais non, tout simplement. Il disait qu'il lui demandait un mariage, mais genre, il la baise et tout. Et vraiment, à la seconde, juste tu, après, tu où il joue. Tu veux m'épouser. Il joue, il fait. On se marie ou... Non, mais moi j'ai bien aimé, donc si tu veux. Quand tu jouis, tu es exaspéré. Bah, dans ma vie personnelle, c'est. Oh non, bon bah. Mais du coup. C'est trop drôle en vrai. C'est horrible. La personne qui fait ça. Non. Il arrive. Non. Putain, bon bah. Voilà, s'il n'y a pas de. Bah, moi, ah, non, mais là, hein. Le bruitage était nul. Là, tu joues par derrière, mais... là. C'est pas. Moi, c'est comme chacun ça. Hein. À sa manière. Moi, c'est comme ça, c'est. Oh, déjà. Encore. T'es la même fait rien, mais on s'est même pas touché. Ah ouais. Bref. Ouais, ça fait là, du coup, mais c'est la fin du film. Ben, non, mais non, mais il n'a pas de bande. Finis pas comme ça. Bah, si. Non, il faut une part sous à la fin. Et baisse tous les quatre. Et on échange les partenaires. Un film entre potes. Bah, non, mais moi, j'ai remarqué quand même que tous les épisodes qu'on fait ensemble se ramènent vraiment au. Eh, ils bandent entre potes. Bah, en même temps, c'est la suite. L'érection. Et du coup, pourquoi. Oh, je te déteste. Oh là là. C'est trop bien. C'est horrible. Ils bandent entre potes. Bah, c'est bien. C'est le titre d'un film porno, clairement. C'est le titre. Non, mais c'est le titre de notre film. Mais non. Bah, si. Ok. J'étais chose d'avis très facile vite. À convaincre. Ils bandent entre potes. Non, si, ok. Mais après, ça. Bon. Ça se discute. Pas besoin de toujours pas besoin de capote, j'aimais bien. Ouais, bah on choisira. Mais ils bandent entre potes quand même, il y a quelque chose de plus. Ouais, mais du coup, on comprend pas que. Ouais, mais ça fait vraiment film de cul. On comprend pas que c'est la suite, ouais. Alors que toujours pas besoin de capote. Mais tu le mets dans le commentaire en dessous. Oh, y a pas non mais attendez, mais moi là, enfin moi je suis content de cette fin. Hein. Ah ouais, mais moi j'adore. Sincèrement content. Donc ils baissent tous ensemble. Et t'as le couple qui le baisse là et l'autre qui baisse là. Tu et vois, après ils se rejoignent. Au début on voit que Yolande et Johan et puis après dans un coin oui, à force du travelling il lève la main. Attends. On voit Yorg qui se saute au sus. Oui, parce qu'en plus d'être incroyable, il est flexible. Il s'est fait enlever les côtes. Vous allez dire, il s'est fait enlever les côtes. Bah oui. C'est quoi, Antonin, j'ai l'image en tête. Oh, ça me dégoûte. Le mec que tu là, m'avais montré. C'est pas moi. Non, mais là, c'est bon. Bah voilà. Mais c'est juste le meilleur film qu'on a jamais écrit. Peut-être pas, mais... Bah, si. Si, si. Okay. Avec Yorg qui saute au sus, c'est juste... Oh putain, oui. Il fait du bruit, genre en mode... Oui, mais il fait le... Et en plus, il fait... Oh. Genre, il kiffe en plus... J'avoue, ça doit être trop bizarre quand tu. Mais tellement. Oh, on va pas partir sur ce sujet. Venez, on finit cet épisode et après on fait un talk show d'une heure sur comment ça fait si tu t'oses aussi. Tu veux non. essayer Non. On peut te plier en deux si tu veux. Mmh. Eh bien, c'est la fin. C'est une fin de tournage. C'est une belle fin de tournage. Ah, c'était très je pense qu'on peut s'applaudir là parce que c'était quand même. Je suis bloqué. C'est à toi de d'animer. Oui, bon, alors j'espère que ça vous a plu. Ah oui, énormément. Oui, moi beaucoup. Moins. c'est parti en couille quand même, hein. Mais la couille, qu'est-ce qu'on aime ça. Ah, j'adore. Bah voilà, je pense que on a bien fait le tour. On peut quand même se représenter, enfin dire qui on est et qui on. Qu'est-ce qu'on fait. Voilà, j'ai fait oui. un. Oui. Bon, il n'y a pas de. Oui, puis j'ai cru que c'est un. Eh bien, Mathilde, je peux te laisser commencer. Non, c'est moi qui dis. Mathilde, vas-y, commence. Merci, Antonin. Eh bien, moi, comme il y a quelques mois, je suis toujours à Sciences Po, mais j'habite en Allemagne l'année prochaine. Waouh. Et là, je travaille aux finances publiques pour financer mon année. Waouh. Si ça intéresse eh quelqu'un, je m'occupe si quelqu'un de vos impôts. Eh bien, bah, ça se fait plaisir. Bah, du coup, tu dois voilà. pas t'occuper de Balkany. Et mon Insta c'est @grtmathilde. Tu peux répéter parce qu'on n'a pas le même temps. @grtmathilde. GRT Mathilde. Voilà, allez, mes photos. Parce que tu as RT Mathilde. Il était temps que ça se finisse, Agathe. Bah alors moi du coup l'année prochaine je rentre en 3ème année à la Sorbonne en histoire. Ouais. Oui. Ouais. Et j'ai reçu les résultats aujourd'hui, c'est pour ça. Oh. Bref, du coup, bah, écoutez, je travaille pas. Enfin si, je travaille dans un collège en tant que surveillante là, mais voilà. Et mon Insta c'est Agathe MRV tiré du bas. Voilà. Underscore. Eh ben, super. D'accord. Super. Ah mais fais plus de bruit quand je t'intéresse pas. Eh ben super. Théophile, présente-toi. C'est moi. Dis ce que tu fais actuellement. Théophile. Chanteur. Oh, je m'emmerde. Allez plus vite là. Théophile, chanteur poseur et Théophile tiré du bas AV sur Twitter et sur Instagram, ainsi que no.reason.drawings sur No Instagram. Reason Drawings. Voilà, mon compte de dessin. Et je suis dans le Chroma Queer qui est toujours disponible à l'achat. Oui. Maintenant, peut-être. En numérique. Qui est le Chroma Queer. Chroma Queer. Le Chroma. Un zine, un fanzine queer. Mais avec Chroma avec un rapport avec. Non, pas avec Karim Debbache. Ah, ok, pas Karim Debbache. Pas Karim Debbache. Non, c'est Chroma, genre. Comme chromatique. Chromatique. Ah, je pensais que j'ai Karim Debbache. Et voilà. Que dire de plus Bah, rien, laisse-moi parler. Oh, on a entendu Louis. Je sais pas si on. Non, je sais pas si on entendra dans l'enregistrement. Et moi, Antonin. NYNOTNA sur tous les réseaux, genre YouTube, Instagram et Twitter. Et en ce moment. Non seulement je pense que je serai en train de filmer un court métrage et une série que je produis avec Mathilde dans lequel je joue principal sur la série normalement pendant l'été, pendant la pause estivale et en ce moment là où vous écoutez le podcast, j'ai commencé le tournage en tant qu'assistant réalisateur d'une web série pour Amore et Quentin. C'est super lourd. Voilà. Mais trop bien. Mais c'est. Et tu ne l'as pas dit avant. Si. Mais merci. Sauf si je me fais virer d'ici là. Mais le jour de la sortie de l'épisode, normalement, c'est le premier jour de tournage. Il y aura ton prénom à la fin. 8 épisodes de 5 minutes. Trop bien. En 4 jours de tournage. Et je suis assistant réel. Autant vous dire que ça va chier. Et que j'ai énormément de stress. Mais Amory et Quentin, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux. Des youtubeurs, c'est Golden Moustache. C'est des youtubeurs qui ont travaillé avec eux. Ils sont assez connus quand même, ils sont très drôles, oui. Voilà. Ils sont très marrants. Ils sont très sympas en vrai aussi. Et voilà. J'imagine, ils ont l'air. Et je fais toujours des bandes annonces sur YouTube, NYNOTNA. C'est grâce à ça que d'ailleurs que t'as été. Non, repéré pour. Pas du tout. C'est parce que j'ai. Bref, sucé des gens. Très bien en plus. Je sais pas que tu dis ça. Voilà, donc. Si ça vous intéresse pas le planning de reprise de Internet, on va juste passer par les 5 minutes de comment ça va se passer pendant l'été et après. Voilà. Voilà. Donc on peut se dire au revoir maintenant. Au revoir. Au revoir. Et si vous êtes resté, vous avez 5 minutes de plus à tuer pour savoir quand est-ce qu'on revient. 5 minutes plutôt, une ou deux minutes. Une ou deux minutes. Quand est-ce qu'on revient, Théophile? Quand est-ce que vous revenez? Là, normalement, alors on est soit fin juin, soit. On est fin juin là. On est fin juin. Si vous l'écoutez juste après sa sortie, on est fin juin. Je sais pas, ça dépend si on sort l'autre épisode. Ah bah on verra. On verra. soit fin juin. Bon, il y a forte probabilité que ce soit fin juin, qu'on soit fin juin là. Sinon, on est mi-juillet. On ne va pas être là avec vous pendant toutes les vacances. L'équivalent de 2 épisodes qui sautent. 3 épisodes. 3 épisodes ? Ouais. Ok, 3 épisodes. En gros, 2 de juillet et 1 d'août. Ok, ouais. Et on reprend fin août. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, on reprend au dernier jeudi d'août. Ouais. Voilà. Puisqu'on fait tout le temps le deuxième jeudi et le dernier jeudi. C'est ça. À peu près quoi. C'est quand on oublie qu'on n'a pas de retard. Mais voilà. Et du coup, ça va être cool. On va revenir en force. Peut-être avec des gens qu'on n'a jamais entendus. Peut-être avec des gens qu'on a déjà entendus. Voilà. On ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas du tout préparé. Pas du tout. Cette rentrée. Mais on vous souhaite de passer de bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances d'été. Et surtout, avec vos amis. Bonne vacances. Si vous en avez, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Si vous appréciez le podcast et que voilà, enfin l'occasion des 3 épisodes où on va pas être là, c'est cool pour peut-être partager le podcast si vous l'aimez bien et que vous voulez que d'autres gens le découvrent, ça nous aide énormément de le noter sur Apple Podcast notamment par exemple etc. Enfin, vraiment, ça nous aide énormément. C'est ceux qui l'ont fait, ça a permis à d'autres gens de le découvrir. Et c'est super, super cool. Et puis voilà. Et puis si vous pouvez, pendant les vacances aussi, en profiter, parce que comme vous allez avoir le temps pour mettre des putains d'étoiles sur iTunes. Mettez 5 étoiles. Pas 3, ouais. Parce que je rappelle, c'est pas bien. Non mais ouais. je vous gueule pas dessus, vous faites ce que vous voulez, mais c'est sûr que ça nous aide vachement. Ouais. Si vous faites ça pour nous, ça nous fait c'est un beau cadeau. Ça nous pour fait la thune. Voilà. Voilà. Bah c'est fini. C'est fini. On vous souhaite de bonnes vacances. À la rentrée. À la rentrée. Au revoir Mathilde. Au revoir Mathilde. Au revoir Agathe. Au revoir les garçons. Au revoir Antonin. Théophile. Au revoir les boys. Au revoir. Au revoir Louis. Ah, au revoir Agathe. Thank you.